Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan et je serai avec vous pour les prochaines deux heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, nous en sommes à l'édition du 21 mars 2011 et cette semaine, nous avons une émission catastrophiquement rempli. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va le temps de couvrir, mais ce que j'ai en tout cas sur la table, c'est évidemment de parler de cette catastrophe autant environnementale que nucléaire au Japon suite au séisme de 9.0. Ensuite, toutes les dernières nouvelles à ce propos-là. Actualité mondiale, on va d'ailleurs débuter avec ceci, et puis les révoltes planétaires contre l'élite financière internationale et la tyrannie. On va parler très rapidement, très brièvement d'économie et puis aussi de quelques articles que j'ai postés, en fait, qui seront postés sur Les Nouvelles Internationales, qui est le blog à vérifier pour trouver tous les articles, tous les liens dont je discute ici durant l'émission. Alors, vous allez trouver une section sur des articles, en fait, qui ont trait à l'histoire, donc des trucs qui ont des dimensions historiques. Alors, vous allez pouvoir trouver ça cette semaine sur Les Nouvelles Internationales. Alors, étant donné que maintenant, nous sommes en fin d'après-midi et que je me trouve en Asie, donc en plein milieu de la nuit quand l'émission est diffusée, bien souvent, les liens sont mis en page la journée d'après. En tout cas, j'essaie le plus possible de mettre ça la journée d'après. Soyez patients, ça prend 36 heures. Tôt ou tard, anyway, là, les sources sont évidemment en place. Donc, voilà. Et suite aussi à différentes choses qui se sont passées, on a remarqué peut-être, en tout cas si vous suivez la chaîne de YouTube là, de l'autre monde, eh bien, vous avez peut-être remarqué que les vidéos de la semaine passée ont pris un certain temps avant de se mettre en place. Il y a une très bonne raison à cela, c'est que le responsable de la chaîne de YouTube, notre correspondant français Stéphane Poutoir, est devenu papa de nouveau. Alors, félicitations, j'en profite pour envoyer toutes mes félicitations, mes meilleurs vœux au nouveau-né de la famille Poutoir. Alors, un nouveau résistant contre l'Empire, comme dit-il. Alors, ça m'a fait bien rigoler. Et puis, ben voilà quoi. Donc, quand même, c'est des choses superbes. Et puis, je tenais à la souligner. Donc, voilà. Ensuite, ben voilà quoi. Donc, on va y aller avec les nouvelles de l'actualité. On va y aller tout d'abord avec un article que j'ai mis en ligne cette semaine. Je crois que j'en avais déjà parlé dans le passé, mais j'ai vu les vidéos que cette semaine. Et puis, j'ai été franchement, j'étais en bas de ma chaise. Parce que c'est carrément renversant. C'est le petit documentaire, en fait, c'est un extrait du film Gasland. C'est un truc qui dure, je crois, à peine un peu plus de 30 minutes. Je crois que le film au complet dure évidemment plus longtemps que cela. Mais déjà, les 30 minutes que j'ai vues étaient vraiment absolument frappantes et puis absolument convaincantes à savoir pourquoi. Et pour quelle raison, en réalité, on devrait arrêter cette industrie du gaz et du pétrole qui essaie de fracturer le sous-sol québécois et nord-américain un peu partout, et puis on en parle même aussi en Europe. Alors, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et puis, déjà, des informations, des témoignages directs de personnes qui vivent des situations, des conséquences de cette fracturation du sous-sol pour trouver du gaz et le faire émerger des entrailles de la terre est absolument néfaste. Et puis, j'ai posté la vidéo cette semaine, donc je vais vous mettre le lien dans les nouvelles de la semaine de l'autre monde, là. Alors allez voir ça. Ou sinon, allez voir dans le menu là, de la colonne de gauche, vous allez trouver tous les articles qui sont publiés, puis vous allez facilement trouver celui qui s'appelle Gaz de schiste, extrait du film Gazland avec sous-titres français. Donc le truc qui est en anglais, mais il est sous-titré en français, donc il n'y a pas d'excuse. Allez le voir. C'est à voir absolument. Donc, c'est pour vous donner les outils puis les connaissances nécessaires pour comprendre pourquoi cette industrie du gaz et du pétrole doit être absolument arrêtée dans ses traces et puis qu'elle cesse immédiatement toutes ses activités complètement nuisibles et destructrices de non seulement de l'environnement, mais aussi des gens qui y habitent. Alors, allez voir ça. Ensuite, on parle encore du pétrole, cette fois-ci dans le golfe du Mexique. Alors, cette histoire-là, comme je vous disais dans une émission précédente, je suis un des seuls dans les médias alternatifs qui continue d'en parler. C'est comme si le truc s'était complètement évanoui, puis était complètement réglé, alors que c'est faux. Et on a encore une nouvelle qui vient tout juste de sortir. Je crois que ça fait 2 jours. Et puis, on a appris que on a une nouvelle nappe de pétrole qui remontait à la surface. Et puis, cette fois, elle est située dans le cadastre MC-243. Alors, on se rappelle que les puits de BP du Deepwater Horizon étaient dans le MC-242. Donc, c'est celui qui est juste adjacent à où on a eu la grande, je dirais, catastrophe pétrolière de l'automne passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'on a retrouvé une mare de pétrole d'environ 160 km de long par à peu près 20 km de large. Alors, voyez un peu la taille du truc qui se déplace. Et puis ça, c'est au large, c'est environ une quarantaine de kilomètres au sud de Grand Isle. Alors, ça se trouve être évidemment dans le golfe du Mexique. Alors, c'est une énorme tache de pétrole qui flotte et puis on a commencé des opérations pour le récupérer et qui vient directement du système de canyon, du Mississippi Canyon. Alors, le MC, c'est Mississippi Canyon que ça veut dire. Et puis, c'est la même source, le même système que le Deepwater. Donc, la source a été rapportée comme venant du MC-243 cette fois. Donc, j'ai quelques liens à vous présenter à propos de ça. Allez voir ça. On a des mises à jour et puis ben, vous allez être capable de suivre cette situation de proche. On a trouvé aussi du pétrole qui a liché, si on veut, les côtes des États-Unis, donc qui sont adjacentes au golfe du Mexique, près de South Pass. Alors, on est en train d'ailleurs d'essayer de ramasser ce pétrole et puis on parle dans un des liens aussi qu'on serait peut-être même en train d'utiliser, de disperser encore des substances comme probablement du Corexit, donc des dispersants de pétrole chimique qui sont bien pires que le pétrole lui-même. Donc voilà, ensuite, ben, on essaie évidemment de cacher cette affaire-là. On n'aime pas ça quand ça remonte à la surface. Est-ce qu'on veut laisser la population s'inquiéter par rapport à peut-être que la fuite n'a jamais été arrêtée dans le golfe du Mexique? Ouais. Ben, probablement que non. Et puis, ben, à ce moment-là, on a besoin de balayer ça sous le tapis. Donc, on ne veut pas que les gens soient au courant de ce qui se passe. Et puis là, tout de suite, ben, vous avez des gens de la US Coast Guard, donc la garde côtière aux États-Unis, qui ont déclaré que eux autres, ils ont ramassé et testé des échantillons de cette substance sombre. Et puis, après avoir reçu différents rapports, ont décidé d'émettre la possibilité que ce truc-là serait une pollution flottante qui serait sous la surface de l'eau et puis qui, en réalité, ne serait pas ou de très peu constituée de pétrole ou d'hydrocarbone ou de graisse, d'hydrocarbone. Alors, on dit que l'eau est quand même assez propre et que c'est probablement dû à des sédiments qui sont transportés par la rivière du Mississippi. Alors, on est en train d'essayer de faire à croire aux gens que ce qu'on voit sur les photos que vous allez pouvoir trouver dans les liens et de ce qu'on parle n'est pas du pétrole. Ils essaient de nous faire à croire que ce sont des sédiments. Alors, on vous prend pour encore là des épais, des caves, des idiots en essayant de vous raconter n'importe quoi alors que vous avez directement sous vos yeux des images très claires et puis il n'y a pas vraiment de doute à savoir de quoi il s'agit. OK? Donc, allez voir ça. Dans les autres nouvelles de l'actualité, on a ici AT&T aux États-Unis qui est une des majeures, des principales compagnies des télécommunications. Et puis là, on parle ici de l'accès à l'Internet où on veut placer des limites ou imposer des frais pour les gens qui, finalement, qui transigent trop d'informations, c'est-à-dire soit qui téléchargent ou qui, en anglais, on dit upload. Alors, je ne sais plus c'est quoi le terme en français, j'ai oublié le nom, mais. Écoutez, on se comprend, le download et uploader. Trop d'informations, alors on veut de plus en plus mettre le cadenas, c'est-à-dire de contrôler ce qui se passe sur Internet de différentes façons. Et puis, c'est à toutes les semaines qu'on trouve de ces nouvelles-là. Donc là, on est en train de vouloir pousser les utilisateurs d'Internet à avoir des limites sur leur compte et puis à les limiter peut-être à, par exemple, à 150 gigabytes par mois. Alors, on dit que les utilisateurs qui download, qui téléchargent trop d'informations, seront sujets à des frais de 10 $ pour 50 gigabytes en supplémentaire. Donc, vous voyez ici qu'on est en train, finalement, surtout pour les gens qui utilisent là, des affaires comme Netflix, qui jouent des parties des parties de sortes de, il y a toutes sortes de jeux qu'on trouve sur Internet qui sont online. Et bon, aussi du transfert et puis des échanges d'informations, on va leur imposer des frais additionnels. Alors, voilà comment les avares, les gourmands, comment que ces gens-là, comme AT&T, puis plusieurs autres compagnies, ici même au Canada, c'est Bell Canada qui s'est lancé dans cette lignée-là. Alors, on veut imposer des limites aux gens pour essayer de contenir, essayer de limiter ce que les gens peuvent échanger comme information. C'est vraiment l'épine dans le pied je dirais, du monstre que l'élite a créé au fil des ans. Alors, cette élite qui, disons, s'affiche de plus en plus comme étant la tyrannie qui essaye réellement, je dirais, de tuer la liberté, de tuer l'échange d'informations, de tuer le fait que les gens sont en train de s'éveiller, puis de devenir de plus en plus informés et puis conscients de ce qui se passe dans le monde. Donc, on continue. Ensuite, ici, vous avez un jury, donc une cour qui a trouvé un blogueur coupable et puis qui l'a forcé, qui l'ont condamné à payer 60 000 $ américains en dommages pour des faits qu'il a énoncés sur son blog, qu'il a publié sur son blog à propos d'une figure publique qui a été subséquemment renvoyée de son travail. Alors, on dit que les publicateurs Internet et puis les activistes pour la liberté d'expression devraient porter une attention importante, particulière à ce cas, si d'ailleurs le blogueur va en appel, parce que finalement, le blogueur a été reconnu responsable de ses écrits, même si le jury n'a pas trouvé le blogueur en question. Dans la faute, c'est-à-dire en énonçant des trucs à propos de cette figure publique qui sont faux. Alors, ce gars-là a écrit des trucs qui sont totalement vrais sur son blog, mais ce qui arrive, c'est qu'on l'a quand même condamné à une lourde amende de 60 000 $. Et puis, cette décision est le dernier exemple de cette lutte. Okay? Donc, la lutte, on dirait même de la loi, d'appliquer des protections constitutionnelles de base aux publicateurs sur Internet. Alors ça s'est passé au Minnesota. Et puis, ça veut dire que les blogueurs vont maintenant avoir à se soucier du fait qu'ils pourraient être forcés à payer, même pour écrire des choses qui sont vraies et qui les publient, et qui pourraient causer des dommages à la réputation de personnes publiques. Donc, voilà encore un autre exemple de comment qu'on essaie justement de contrôler et d'intimider les blogueurs, les journalistes citoyens, les gens qui font des vidéos YouTube et puis qui s'impliquent là dans la politique et puis dans les affaires publiques. Ensuite, bonne nouvelle ici, bravo, je lève mon chapeau à Microsoft qui a fermé un spam, alors un géant du spam. Alors, le spam, c'est quoi? C'est les fameux pourriels, hein? Ces fameuses publicités à la con qu'on reçoit dans nos boîtes à courriel sans cesse à chaque jour. Des trucs bien souvent, là, écoutez, je viens du Nigeria, j'ai 2 millions de dollars à placer dans votre compte en banque, là. Tu sais, voyez le genre de truc, là. Vous avez gagné un élargisseur de pénis ou ben non, vous avez gagné 50 milliards de dollars. S'il vous plaît, veuillez nous envoyer votre nom, votre numéro de compte de banque et le nom de votre mère et puis hein, votre adresse. Et puis laissez la clé sur le perron d'ailleurs, parce qu'on va passer ramasser votre TV puis hein, vos affaires. Donc, c'est, tu sais, genre de même, là. Donc, Rostock, qui est un des géants qui dans son pic, dans son sommet, était un botnet qui envoyait environ 2 millions de pourriels à travers différents ordinateurs zombies et est capable d'envoyer environ 30 milliards de pourriels par jour. Je répète le chiffre parce que c'est vraiment hallucinant. 30 milliards de pourriels par jour. Alors, Microsoft a été capable de tracer le gars, de fermer ses zombies et puis de finalement mettre la main au collet de Rostock. Et puis, on a réussi à complètement tout démanteler le truc pièce par pièce. Et puis, on a réduit les pourriels à l'échelle de la planète de 39%. Imaginez. Imaginez la taille du truc. Alors, bravo, franchement, le Microsoft, c'est absolument fantastique. Et puis, ben voilà quand même une bonne nouvelle. Ces gens-là devraient être carrément waterboardés puis amenés à Guantanamo! Guantanamo! OK, donc voilà. Et puisque ces gens-là, c'est pas mal tannant, ouais. Économie. La dette américaine a sauté de 72 milliards de dollars la même journée que vous avez que vous avez la US House. Comment on appelle ça? C'est pas le Congrès, en fait, c'est la Chambre des représentants qui avait voté pour couper les dépenses de 6 milliards de dollars. Alors, voilà le ridicule, justement, de ce geste. Vous avez plusieurs vidéos, d'ailleurs, sur Internet qu'on trouve pour justement montrer le ridicule de cette situation. Les États-Unis qui s'enfoncent dans la dette à la vitesse lumière. Je veux dire, c'est complètement débile. Et puis là, ben, vous avez Obama, puis sa petite gang de sans-dessin qui décide de couper 6 milliards des dépenses du gouvernement dans les programmes sociaux. Alors qu'on a voté un budget record pour l'armée d'au-dessus de 700 milliards de dollars, qu'on a donné des trillions de dollars à Wall Street, aux firmes financières, aux banquiers privés. Hein? Puis là, on va couper un maigre 6 milliards de dollars dans les dépenses publiques, alors que la même journée qu'on a coupé 6 milliards, la dette a sauté de 72 millions de dollars. Ça s'est passé mardi passé. Donc, vous voyez un peu le ridicule de la situation. Ensuite, vous avez dans le secteur domiciliaire la plus grande baisse depuis 1984 des mises en chantier de maisons. Alors, c'est le plus gros déclin en 27 ans. Juste au mois de février passé. Alors, voyez comment l'économie va super bien aux États-Unis. Vraiment, on voit une remontée, on voit une renaissance là, de l'économie fulgurante aux États-Unis. Ensuite, on a environ 20% des maisons en Floride qui sont vacantes, qui sont vides. Ça vient de CNN Money. Alors, ça aussi, là, c'est un autre signe que l'économie est vibrante aux États-Unis. Voyez. Alors, vous avez le bureau du recensement qui a révélé que 18%, soit 1,6 million de toutes les maisons sont absolument vides en Floride. Alors, ça, c'est une augmentation de plus de 63% depuis les 10 dernières années. Alors, vous avez cette image iconique de l'Amérique, des États-Unis, qui ne sera pas ces grosses maisonnées, ces grosses maisons qu'on voit tout le temps dans les films d'Hollywood, comme si tous les Américains vivaient dans des palaces, dans des châteaux. Non, pas vraiment. Disons que l'image du 21e siècle américain sera des Américains sans abri, hein, dans la rue, qui campent en face de leurs maisons, qui sont placardées. Alors, il n'y a pas image plus claire de l'échec du gouvernement et puis du système financier que cette très sombre réalité. Confirmation, la TSA aux États-Unis, j'en parle ici souvent aussi, c'est la fameuse agence responsable de la sécurité dans les aéroports, une agence privée que le gouvernement ou que les aéroports engagent. Et on a une confirmation ici du site même de la US Travel, okay, site gouvernemental. La TSA a réussi à réduire les voyages aériens. Alors, vous avez toutes ces fameuses mesures tyranniques envahissante de la vie privée de sa personne dans les aéroports qui ont réussi à rebuter tellement de voyageurs, autant internationaux que domestiques à l'intérieur des États-Unis, que les gens cessent de voyager. En fait, on a ici relevé différentes données et qui ont montré que, selon les récentes recherches, ça a révélé que les voyageurs maintenant évitent de 2 à 3 voyages par année dû au carrément, je veux dire, l'envahissement de votre personne privée. Vous faites fouiller partout, on vous bombarde de scanners corporels qui sont ultimement cancérigènes. Et puis, les gens ont complètement annulé de 2 à 3 voyages par année associés à ces problèmes-là qu'on rencontre partout dans les aéroports en Amérique. Et que ces voyages qui ont été évités, qui ont été annulés, ont coûté 85 milliards de dollars à l'économie américaine et plus de 900 000 jobs. N'est-ce pas incroyable? Bravo, la TSC, c'est fantastique. Hein? Dit que, fait que là, on essaie de vouloir mettre en place un lien pour simplifier les choses. Alors, voyez bien, voyez ça venir, là, les genres de solutions qui vont venir. Donc, on va essayer d'établir des listes de voyageurs privilégiés qu'on va nommer comme étant des gens qui sont plus sécuritaires, donc plus propices à voyager. Puis, on donne des cartes spéciales, on vous crée des filières. Alors, finalement, on va vous ficher carrément. Et puis, ça va être une autre solution bidon. Donc, et puis comme ce n'était pas assez, ben ces fameux travailleurs de la TSC, ces agents de la TSC sont, je dirais, hebdomadairement plongés dans des scandales, des poursuites en cours. Là, ici, vous avez un agent de la TSC qui a été arrêté pour avoir volé de l'argent à des voyageurs. Alors, lui, il fait maintenant face à des charges juridiques au fédéral. Alors, ces gens-là ont volé de l'argent, des portefeuilles, des passagers à un point de surveillance à l'aéroport de Kona. Donc, celui qui a été arrêté, c'est Down Nicolay Keka. Donc, lui a été arrêté la semaine passée. Donc, voilà, ça continue. Et puis, c'est justement ce que les gens doivent faire, s'arrêter de voyager. À un moment donné, ils vont retrouver leur sens. Et puis là, ben, ça va redevenir agréable de voyager encore aux États-Unis. Puis là, ben, vous irez. Mais en attendant, tant qu'à vous faire prendre vos empreintes digitales, vous voir à nu dans les scanners, vous fouiller vos femmes, vos enfants, les déshabiller devant tout le monde, laissez donc faire, hein? OK, ensuite, une autre nouvelle assez choc ici, ça a été publié par le Chicago Tribune. On apprend que vous avez l'État d'Illinois qui essaie de saisir les revenus d'un prisonnier. Alors, écoutez bien ça. Ça, c'est aussi, c'est un sujet assez particulier aux États-Unis. On a réinstitué les camps de travail aux États-Unis, un peu comme on a fait en Allemagne, hein, durant la période de la pré-Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les fameux camps de concentration qu'on appelle n'étaient pas nécessairement des camps où on éliminait les gens. OK? Je veux dire, faites attention à ça, là. Je veux dire, c'est des propos là, qui pourraient mettre des gens dans le trouble, là, surtout en Europe, parce qu'on ne peut pas dénier l'Holocauste. Alors, on va y aller tranquillement en disant que tout simplement que les camps de concentration n'étaient pas nécessairement toujours des camps d'élimination des gens. Hein? Mais c'était bien dans bien des cas, puis c'est documenté, vous avez des images, même la Croix-Rouge qui était dans les camps, vous avez toutes les données, hein, qui ont été enregistrées jour après jour, OK? Des documents qui sont officiels, où on apprend que plusieurs de ces camps de concentration-là étaient finalement des camps de travail. Des camps de travail qui étaient aussi rémunérés, peut-être pas grassement, mais qu'il y avait une certaine unité qui avait été introduite. Vous avez des photos de ça, c'est tout documenté, c'est historique. Hein? Et puis là, les gens dans ces camps-là pouvaient acheter différents produits, des trucs comme ça. OK? Alors, on n'entrera pas plus longtemps dans le sujet. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, on est en train de faire la même affaire. Donc, vous avez des prisonniers dans plusieurs prisons privées où on les emploie. Donc, vous avez des compagnies, toutes sortes de compagnies privées, puis des compagnies de la défense, des manufacturiers d'armement, on en a parlé dans les émissions précédentes, hein, qui emploient ces gens-là pour 10 cents de l'heure. Donc, on les paye des salaires de misère. Ces gens-là font environ 75 $ américains par mois pour travailler comme des esclaves. Et puis, après ça, le gars, lui, a été libéré. Puis là, on lui a annoncé qu'il devait 455 000 $ pour couvrir les coûts de son emprisonnement au centre correctionnel de Stateville, à Joliette, aux États-Unis. Alors, le gars, lui, a été en prison depuis le 19 novembre 1982. Et puis, celui qui l'emprisonnait était aussi son collecteur de dettes. Alors, lui, Hawkins, est en train de se battre en cour pour essayer d'arrêter, de stopper l'État, de saisir son 11 000 $ qu'il a dans son compte en banque pour partiellement satisfaire le service de sa dette. Alors, le monsieur qui a 60 ans maintenant a travaillé pendant tout ce temps-là. Qu'il était derrière les barres et puis il a fait environ 75 $ par mois. N'est-ce pas assez incroyable? Alors, l'État maintenant peut vous jeter en prison aux États-Unis et puis ensuite vous charger pour les coûts de votre emprisonnement, vous vend ses services de ses industries de prison qui finalement donnent des salaires d'esclaves travailleurs et puis après ça, vous saisissent votre salaire. Et puis, ceci est supposé enseigner aux prisonniers la valeur de travailler à l'intérieur de la société? Pensez à ça 2 secondes. Disons qu'il y a un grave problème ici, un grave problème. Aux États-Unis, là, ça va pas super bien. Ensuite, on a saisi, il y a quelques années, un groupe qui, finalement, fabriquait des pièces d'argent et des pièces d'or qui est appelé le Liberty Dollars. Et puis là, ben, on a arrêté ce gars-là parce qu'évidemment que là, les gens, ils commencent à trouver plus d'intérêt à acheter des métaux précieux que le dollar américain, qui lui ne vaut absolument rien, ou presque rien. En tout cas, qui perd sa valeur à une vitesse exponentielle. Et puis là, ben, on ne veut pas faire concurrence à ce système privé frauduleux de Ponzi de la Fed, qui est une banque privée qui imprime en fait, qui imprime pas de l'argent, de valeur, qui imprime, en fait, chaque billet qui est imprimé, c'est une attestation de dette. Alors, des gens qui frappent de la vraie monnaie, eux, ils ont été déclarés comme étant liés au terrorisme domestique, alors au terroriste intérieur. Lui, on a arrêté ce gars-là, et puis là, on l'a jugé coupable, et puis là, il fait face à 15 ans d'emprisonnement pour avoir produit des pièces d'argent, des pièces d'or. Donc voilà, lui a été jugé coupable de conspiration contre le gouvernement dans un cas de terrorisme intérieur parce qu'il a frappé de la vraie monnaie alors que vous avez une banque centrale privée contrôlée par des banquiers privés qui, eux, frappent de la monnaie qui ne vaut absolument rien, qui sont des attestations de dette. Et puis eux autres, ils peuvent opérer en toute légalité. C'est ça la réalité dans laquelle on vit de nos jours. Ensuite, vous avez le Michigan qui a passé une loi martiale financière. Alors, ça aussi, là, c'est un autre sujet assez particulier. Là, on a passé un projet de loi à la Chambre des représentants qui a passé à 62 contre 48 mardi passé, envoyant la pièce de législation au gouverneur républicain Rick Snyder pour approbation finale. Alors là, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des pouvoirs étendu pour s'occuper, si vous voulez, d'urgence financière. Et puis lui, évidemment, bon, on s'attend à ce qu'il signe ce projet de loi en loi. Et vous avez bon, ce projet de loi qui finalement va faire en sorte que le gouvernement va être capable de défaire des syndicats. Va être capable de donner aussi si vous voulez, au manager financier. Différentes autorités et pouvoirs pour mettre fin à des contrats syndicaux d'employés, d'annuler si vous voulez, des conseils élus et aussi tout simplement dissoudre des avantages de salariés qui ont été octroyés dans le passé. Alors, tout simplement, finalement, on se donne des pouvoirs totalement totalitaires et puis on va tout simplement décider de pour combien vous allez travailler et puis à quelles conditions. Vous allez fermer votre gueule si vous n'êtes pas content. C'est à peu près à ça que ça revient. Ensuite, vous avez les corporations américaines, donc les grandes manufactures, les grandes compagnies qui sont en train de créer un contingent de travailleurs à temps partiel. Alors, vous avez les plus gros employeurs aux États-Unis qui, de plus en plus, emploient des employés temporaires ou à temps partiel pour diminuer leurs coûts de main-d'œuvre. Selon les derniers chiffres qui viennent du département du travail aux États-Unis. Cette tendance s'est accélérée les 2 dernières années et puis on voit de plus en plus de corporations qui sont en train de simplement d'éliminer les positions à temps plein dans au sein de leur compagnie pour créer une force de travail qui gagne des salaires beaucoup plus bas et qui sont aussi dans des situations de travail beaucoup plus précaires, qu'on peut renvoyer à n'importe quel moment selon notre volonté. Alors voilà comment travailler une force de travail dépendante, obéissante, soumise, incapable de se défendre et puis même tout simplement de demander d'être mieux traité, parce qu'à ce moment-là, vous allez être tout simplement renvoyé en vous disant que vous avez une longue file d'attente de personnes qui vont travailler, qui vont prendre votre job. Le prix des maisons qui continue à descendre et puis qui maintenant que vous avez si vous voulez, des chutes qui ont excédé la Grande Dépression, ça vient d'un Zillow. Zillow, c'est un financier ici qui décrit que, en fait, le prix des maisons baissait pour un 53e mois d'affilée au mois de novembre passé. Alors, les chiffres sont sortis et puis c'est ça qu'on voit. Alors, imaginez la reprise économique incroyable. Dans les nouvelles de l'histoire, niveau volet plus historique, ben écoutez, là, vous irez voir ça. J'aurais pas le temps d'en parler trop longtemps cette semaine avec tous les dossiers chauds qui nous attendent, là, avec l'histoire du Japon et puis de ce qui se passe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, particulièrement en Libye, là. Vous avez ici le Avara Agreement, alors l'accord de Avara qui nous vient du mois d'août 1933, où on montre qu'on avait une compagnie, Avara, okay, donc Havara, une compagnie qui avait pour but de transférer la propriété des Juifs de l'Allemagne nazie vers la Palestine. Alors ça, c'était un trust. Et puis, la compagnie s'appelait Transfer Office Avara Limited, était établie à Tel Aviv. Et puis, suivant un tel accord avec le gouvernement allemand en août 1933, facilitait l'immigration des Juifs vers la Palestine en permettant le transfert de leur capital en forme d'export allemand et de biens de transport allemand. Alors, voilà encore là, hein, des faits qui tendent à rétablir un peu ce qui s'est vraiment passé dans cette période-là, alors que les films et puis la télévision vous disent tout le temps que Hitler a personnellement torturé et puis a mangé vivant ces 6 millions de Juifs, hein, et puis que les Américains doivent envoyer leur argent à Israël, hein. Donc, attendez un instant. Ça fait aucun sens. Hein? Ça fait aucun sens. Voyons donc. Alors, je pensais que l'Allemagne avait cherché tout simplement à tuer et à éliminer tous les Juifs. Écoutez bien, là. Vous avez des plans ici là, qui sont sortis. On a des évidences qui montraient qu'en réalité, là, ce qu'on faisait, c'est essayer de déporter les Juifs. On les sortait du pays. OK? Puis là, vous avez une compagnie ici. On a toutes les données historiques. C'est tous des documents qui restent. On peut aller vérifier ça. C'est vérifiable. OK? C'est pas antisémite, c'est pas anti-juif, ça veut pas dire c'est du déni, whatever, blablabla, là. OK? C'est des faits, ça fait partie de la réalité. Donc, allez voir ça. Les amphétamines, ici, on parle, ça aussi, c'est un autre dossier assez incroyable. On essaye de produire des drogues pour augmenter la performance. Hein? Donc, on apprend que trop fréquemment, les crimes de guerre sont commis par les Américains, par les Allemands, les Britanniques, les Japonais, ont été commis par les troupes de ces pays durant la Deuxième Guerre mondiale, et que bien souvent, le résultat de ces massacres et puis de ces actes complètement atroces ont été le résultat d'effets de drogue maniaque, si on veut, comme l'amphétamine, alors qui rend un peu capoté. Okay, donc, on boostait les soldats avec des amphétamines, et puis après ça, on les envoyait sur le champ de bataille, et puis là, après ça, on se demande pourquoi on avait des massacres incroyables. Alors, on maintient les troupes dessous des drogues, et puis là, vous avez différents articles à ce sujet-là. Vous avez des antidépressants qui est l'arme secrète pour les troupes dans la guerre, dans les zones de guerre. Ça, c'était une autre nouvelle à aller voir. Le Pentagone ici qui dope les forces armées américaines avec du speed. Alors, un autre article ici qui parle de ça maintenant, dans l'actualité. Alors, on parle ici des troupes qui sont en Afghanistan et puis en Irak. Alors, on a toutes sortes comme ça de bombardements, puis on arrive dessus des mauvaises cibles, et puis on tue toutes sortes de civils partout en Afghanistan, et puis en Irak. Et puis après ça, ben, vous avez le Pentagone qui a déjà admis avoir donné du speed, alors des amphétamines à ses forces armées durant la guerre du Golfe. Et puis qui font le même avec leur personnel militaire en Afghanistan. Alors, vous avez un rapport qui est appelé The Performance Maintenance During Continuous Flight Operations, qui a été produit par la Naval Medical Research Laboratory in Pensacola, Florida, qui rapporte que le Pentagone a certaines pratiques de fournir du speed à ses pilotes. Alors, le rapport parle de l'utilisation d'amphétamines dans les opérations tactiques de la Air Force américaine durant la guerre Desert Shield, donc, et puis la guerre du, comment ça s'appelait, la guerre Tempête du désert. Alors ça a été rapporté par des documents officiels qui viennent de l'armée. Alors ici, vous avez la US Air Force Surgeon General's Office qui a aussi confirmé l'utilisation d'amphétamines par des pilotes. Alors on dit que quand on a des opérations de combat, eh bien, vous avez des aviateurs comme ça qui, souvent, on requiert qu'ils performent, qu'ils accomplissent leurs responsabilités sur des périodes de temps étendues sans repos. Et puis, à ce moment-là, on les booste avec toutes sortes d'amphétamines, des trucs comme ça pour contrer les effets de la fatigue dans les opérations. On dit aussi qu'on leur donne après ça des downers, après que les pilotes, finalement, reviennent sur Terre. Et puis après ça, on leur donne des trucs pour qu'ils soient capables de dormir. N'est-ce pas incroyable? Alors, on leur donne des doses sédatives comme le temazepam ou Restoril. Alors, c'est évidemment ces doses pour mettre les gens sur des highs, les soldats sur des highs, puis après ça, des downers, ont des effets dévastateurs, évidemment, sur le jugement des pilotes et aussi sur leur santé mentale. Je parle cliniquement, là. Je ne veux pas dire des fous, là. Je parle cliniquement, là. Je veux dire, ça crée ce type de problème-là. Alors, voilà. Donc, voilà des trucs quand même assez incroyables. Ensuite, des trucs, des documents déclassifiés, des transcripts qui ont montré que les sénateurs savaient que l'événement du golfe de Tonkin était un événement qui a été complètement préfabriqué. Alors, ça aussi, ça fait très longtemps que j'en parle. On a encore ici d'autres preuves qui sont maintenant déclassifiées. Plus de 1100 pages de documents qui étaient classifiés, qu'on a déclassifiés de la période de la guerre du Vietnam, qui ont été rendus publics par le Senate Foreign Relations Committee et qui ont mis en lumière que plusieurs sénateurs savaient que la Maison-Blanche et le Pentagone avaient complètement menti au peuple américain en 1964 dans l'incident du golfe de Tonkin qui a servi de justification pour partir de la fameuse guerre contre le Vietnam qui a causé la mort de, je crois, c'est 3 à 4 millions de Vietnamiens et puis de plusieurs dizaines de milliers de soldats américains complètement dévastateurs. Et puis, ben voilà quoi. Donc, des trucs encore là historiques. Ensuite, on a un petit article ici. Ce que ça prenait à des gens en 8e année aux États-Unis en éducation en 1895 comparé aujourd'hui. Vous allez voir que ces gens-là, il y a 100 ans, avaient des enfants vachement plus éduqués et plus connaissants que les générations d'aujourd'hui. Donc, vous voyez là, encore là, que cet abrutissement de la population à travers l'éducation qui est de moins en moins exigeante, on n'enseigne tout simplement plus rien. Maintenant, dans les écoles, finalement, tout simplement, retenir quelques chiffres et puis être de gentils obéissants sans dessein. Puis maintenant, on va apporter le dossier nucléaire, particulièrement du Japon, en commençant tout d'abord avec un petit truc ici, plus local au Canada. On parle de ces fameux. De ces fameuses centrales nucléaires, disons-le, qui sont censées être sécuritaires, sans problème, on a tout ça sous contrôle, hein, donc bla bla bla bla bla bla. Le lobby nucléaire qui essaie de vendre cette technologie carrément dangereuse, réellement. Et puis, je vais tout de suite te dire, tout de suite en partant ici, là, parce que, bon, j'ai des commentaires là, qui viennent d'un bord puis de l'autre. Vous avez toutes sortes de gens qui essaient de défendre l'industrie nucléaire pour différentes raisons, peu importe s'ils sont liés à l'industrie nucléaire ou parce que ces gens-là, peu importe leur motivation, là. On nous dit que, bon, si on dit adieu à l'industrie nucléaire, ben là, comment qu'on va poursuivre la production d'électricité? électricité, est-ce qu'on va faire ça avec des centrales au charbon? Le charbon, c'est pas mieux, nanana. Écoutez, je l'ai souvent dit ici, là, depuis des années, là, sur l'émission L'Autre Monde, ça fait 100 ans, 100 ans, 100 ans, plus et plus, que Nikola Tesla a trouvé comment produire de l'énergie libre, propre, la transmettre dans les airs sans fil. L'énergie abondante, infinie. L'énergie libre, 100 ans. Ça fait 100 ans. 100 ans qu'on a ça sur la planète Terre, puis qu'on ne s'en sert pas parce que les cartels de l'énergie pétrolière, nucléaire, du charbon essaient de contrôler la distribution de l'énergie. Donc, on essaie de garder ça hein, dans la main, sous contrôle, les cartels totaux qui n'ont pas intérêt à ce que l'humanité fasse sa transition vers les énergies libres et infinies. Alors, on garde ces trucs-là dans des coffres-forts à quelque part, tous les plans, les inventions de ce génie incroyable, 10 fois plus que Einstein. Nikola Tesla, c'est grâce à lui qu'on est capable de parler par téléphone, puis on a d'éclairage d'électricité dans nos maisons. Tesla qui est grandement responsable de notre vie moderne de tous les jours et puis qui est un des personnages, les génies les plus méconnus de l'histoire. Et puis on nous dit que là, écoutez, on a besoin d'énergie nucléaire, nanana, du pétrole et puis tout, blablabla. On arrive avec des solutions qui ne marchent pas réellement, comme le solaire qui ne produit pas assez d'électricité. On a besoin de produits pétroliers pour les produire. Les éoliennes, c'est la même affaire. On a bien des problèmes avec ça. C'est pas la solution fantastique, là, OK? Là, on n'est pas sorti du bois avec ça, là. Ça peut être d'appoint, mais vraiment, là, fournir une nation complète d'électricité avec des éoliennes, là, écoutez, là, on est loin de notre profit, là. OK? Ça vient de fermer le sujet tout de suite à propos de ça. Là. Des solutions, écoutez, des solutions, on en a. Là. Vous allez voir dans la liste incroyable, là, j'ai environ 130 pages de titres d'articles et de courtes descriptions, d'introductions, si vous voulez, à ces articles-là que je vais mettre en lien sur les nouvelles internationales cette semaine. Une liste impressionnante. Je cumule ça tous les jours. Je ramasse les nouvelles les plus importantes de la situation au Japon. Et puis, on en a des solutions, OK? L'énergie libre de Tesla, on a ça, ça fait 100 ans. Vous allez trouver des liens aussi sur le thorium. Le thorium qui pourrait faire fonctionner ces centrales nucléaires-là, mais qui ne produit pas, on ne peut pas utiliser finalement ces déchets pour produire de l'armement militaire. OK? Donc, ça ne peut pas être utilisé pour produire des bombes nucléaires ou quoi que ce soit. Donc là, déjà, on éliminerait tout le souci. Des nations qui utilisent l'énergie nucléaire pour faire l'électricité, d'avoir le souci que ces nations-là, finalement, utilisent ces centrales-là pour aussi produire du plutonium ou, ben non, enrichir de l'uranium suffisamment pour en faire des armes nucléaires. Donc ça serait tout déjà réglé. Et puis, on serait déjà aussi réglé avec les systèmes les dangers de fusion des cœurs nucléaires. Alors, ce truc-là, là, il n'y a pas de danger d'explosion, quoi que ce soit. Et puis, radioactivité quasiment là, incomparablement faible comparé à ce qu'on utilise aujourd'hui. Alors, des solutions, il y en a. Ça, c'est déjà réglé. C'est la première chose que je parle. Voilà, bidding, bedang, c'est réglé. C'est réglé, c'est réglé. Je veux dire, on a des solutions aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez la Chine qui, par rapport à tout ce qu'on voit se passer au Japon, a décidé de remettre en question. C'est environ 2 douzaines de centrales nucléaires que la Chine est en train de commissionner, de construire ou de vouloir construire. On a mis ça sur la tablette en Chine. On a dit, oups, attends un peu, là. On a comme peut-être besoin de changer de direction un peu. La Chine qui était déjà en train de se mettre à l'avant-garde internationale au niveau nucléaire et en train d'envisager une nouvelle génération, la 4e génération de centrales nucléaires qui fonctionne au thorium, justement. Alors, il serait peut-être temps qu'on se lance dans cette direction-là si on veut conserver le nucléaire comme une filiale viable, si on veut, là, au niveau de l'humanité et de notre futur. Parce que là, c'est pas avec des histoires comme Tchernobyl puis Fukushima qu'on va aller bien, bien loin. Hein? C'est pas mal, là, une absurdité totale. Donc là, je suis pas mal en feu à cause de ça parce que évidemment, ce qui se passe au Japon, c'est pas drôle du tout. Là, je veux dire, c'est un Tchernobyl en plusieurs fois. Là, je veux dire, Tchernobyl, c'est un réacteur. Là, on en a 6 qui sont alignés, qui sont en danger, en plus d'avoir du combustible déjà utilisé qui sont entreposés dans ces centrales-là. Alors, vous allez trouver aussi plusieurs articles qui parlent de ça. Un truc dont on parle très peu dans les médias de masse. vous avez à peu près l'équivalent de 3 à 4 000 tonnes de matières radioactives, d'uranium, de plutonium, de toutes sortes de trucs qui sont entreposés au-dessus des réacteurs dans ces centrales-là de General Electric. Mark One. Un design complètement débile. D'ailleurs, vous allez voir plusieurs nouvelles aussi. General Electric qui possède des médias. Hein, donc, on possède beaucoup de médias. Hein, c'est évidemment très, très riche, General Electric. Eux autres, c'est des designers des 6 réacteurs qui se retrouvent au Japon, qu'on parle depuis une semaine. Et puis, vous avez General Electric qui possède NBC, MSNBC, puis CNBC aux États-Unis. Et puis, plusieurs autres médias. Et on peut trouver dans les médias de très bons indices que General Electric a commandé à ces stations-là de tout simplement rire, de ridiculiser un peu toute la situation au Japon et puis d'insulter n'importe qui ose exprimer des inquiétudes à propos de la radioactivité et puis de d'autres problèmes de sécurité par rapport à ces réacteurs-là. Alors, on essaie de minimiser la situation. Et puis, il y a des commentateurs comme ça sous les articles que j'ai publiés, en fait, sous le long article que j'ai publié depuis le 12 mars, qui, puis sous d'autres articles aussi, là, discutant de cette crise nucléaire au Japon, qui sont complètement ridicules et essayent de dire finalement que, écoutez, c'est pas tous les types de radiation qui sont importants, je veux dire, il y en a qui sont complètement corrects, la radioactivité, même c'est naturel, blablabla, bla, bla. Ils nous prennent pour des caves, là, je veux dire, écoutez, faut faire la différence entre des rayons gamma, les rayons X, nanana, écoutez, je veux dire, c'est bien certain qu'il y a des différences, là, il y a des différences de dangerosité, hein, dans les différents éléments radioactifs, il y en a qui sont utilisés dans la médecine. OK? Vous allez faire un rayon X, là, je veux dire, vous n'allez pas mourir demain matin. C'est sûr que si vous allez faire 100, 200 rayons X pour différentes raisons, là, vous allez commencer à accumuler des doses de radioactivité dans votre corps. C'est pour ça que les scanners corporels dans les aéroports, pas bon. C'est biocumulatif aussi. Ça veut dire que ça s'accumule, là. Ça veut dire qu'une dose, c'est une affaire. Ben oui. L'environnement, le soleil, le cosmos émet de la radioactivité. Je veux dire, ouais, il n'y a aucun problème avec ça. Mais pourquoi en rajouter? Hein, tout, parce que les doses, ils s'accumulent. Hein, les petits positivistes, là, qu'il n'y a aucun problème avec ça, là, je veux dire, autant qu'il ne faut pas faire dans l'alarmiste, autant qu'il ne faut pas non plus ridiculiser puis complètement là, prendre la situation à la légère. Parce que ce qui se passe à Fukushima, là, c'est pas une histoire simple, c'est pas une histoire sans danger, c'est pas une histoire sans répercussions. Bien au contraire. Puis on va juste commencer à mesurer les effets de ça dans les années à venir. Parce que là, les petits comiques là, qui te demandent, hein, ils te demandent, ouais, mais là, Fukushima, ça l'a causé combien de morts? Écoutez, non, ça n'a pas causé aucune mort jusqu'à maintenant. Là. C'est pas parce que ça n'a pas causé aucune mort jusqu'à maintenant que là, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème avec ce qui se passe là-bas. Là. OK? On risque d'avoir une zone au complet déclarée hors d'accès pendant des décennies. Vous avez des taux de radiation absolument élevés autour de la centrale, et puis vous avez des vents comme ça qui apportent aussi des taux de radioactivité un peu partout sur l'île du Japon, et puis après ça, au travers le Pacifique, et maintenant atteignent l'Amérique, qui pourrait même atteindre avec les vents l'Europe d'ici très peu de temps. Alors, évidemment qu'on parle tout le temps de concentration, de différentes doses, de nanana, évidemment, c'est tout est relatif là-dedans. Je veux dire, on peut avoir une petite infime exposition, mais vous savez qu'une juste une petite particule de plutonium est suffisante pour vous donner un cancer des poumons si elle est respirée. Alors, vous avez des éléments, des isotopes radioactifs, des radionucléides qui se dégradent très rapidement, des fois même en quelques heures, et puis ne sont plus radioactifs. Vous en avez d'autres qui sont radioactifs pendant des milliers d'années, c'est pas des millions d'années. Alors, c'est toute la situation en ensemble qu'il faut regarder, et non seulement hein, ce qui est naturel, puis qui pose pas de problème, puis tatata, n'est-ce pas? Alors, vous allez trouver de plus en plus de nouvelles comme ça, surtout aux États-Unis, où on essaye de tout simplement alléger le truc, à regarder ça un peu, même avec de l'humour, dire « Ah, ah, ah, il n'y a pas de problème, les gens capotent pour rien, il n'y a pas de problème. » Là, je veux dire, continuez à regarder des émissions de cave à la télévision, divertissement à planche, OK, pensez pas à ça, buvez de la bière, consommez, pas de trouble, tout est beau. Hein? Donc, vous allez trouver beaucoup de nouvelles comme ça. Vous avez même la folle, puis je dis, écoutez, je mesure mes mots, là, j'en ai déjà parlé ici sur l'émission, Ann Coulter, était venu au Canada, puis tout, avait traité des gens de cave, avait complètement ridiculisé, je crois que c'était un musulman ou quoi que ce soit. Une folle aux États-Unis qui attire l'attention sur sa personne tout le temps, qui rend la controverse complètement ridicule, qui elle est arrivée sur Fox News à déclarer à Bill O'Reilly que la radiation, c'était bon. C'était bon pour les gens. Hein? Méchante malade. Elle est arrivée en disant que même vous avez des scientifiques qui disent que c'est il n'y a aucun problème avec la radiation, même que en réalité ça pourrait guérir des cancers, que finalement selon elle, là, ça serait quasiment bon d'aller se coller sur sur le site de Fukushima, aller passer des vacances à Tchernobyl, et puis là, vous allez faire du bien à votre santé. Alors, vous avez des gens comme ça qui courent dans la réalité, dans la vie, et qui essayent de clamer que, finalement, des petites quantités comme ça d'exposition sont en fait bonnes pour vous et pourraient réduire les cas de cancer. C'est complètement débile, là. Elle, apparemment, elle a pointé vers des articles du New York Times puis du Times of London qui supposément supportaient son argument. Alors, complètement capoté, là. Je veux dire, vous avez des gens comme ça qui commencent là à dire que, ouais, il n'y a aucun problème avec ça, là, arrêtez de vous inquiéter. Alors, situation complètement déconcertante, puis ici, localement, écoutez, j'ai fait tout un détour, là, mais je parle de ça parce que, je veux dire, c'est pas une industrie qui est propre, c'est pas une industrie qui est sécuritaire. Vous avez ici des nouvelles qu'on a apprises cette semaine à Pickering, en Ontario. Vous avez des officiels qui ont déclaré que à la centrale nucléaire de Pickering, on avait des fuites d'eau qui étaient contaminées par des éléments radioactifs. Alors, mais par exemple, ça ne pouvait pas poser une menace significative à la santé publique. Alors, évidemment, c'est tout le temps correct, c'est tout le temps sans danger pour la sécurité publique. Ça, c'est tout le temps la façon d'opérer hein, du lobby industriel nucléaire. Donc, vous avez la Canadian Nuclear Safety Commission qui a déclaré que les risques radiologiques encourus par les personnes étaient négligibles. Donc, la commission a déclaré que 73 000 litres d'eau déminéralisée avaient été relâchés du générateur de la station A de Pickering à environ à 11h30 lundi dernier, en soirée. On dit que la fuite a été causée par une pompe qui a cessé de fonctionner. Donc, vous voyez un peu la situation. Et puis ici, ben, on essaie évidemment tout le temps de couvrir les faits en disant qu'il n'y a aucun problème avec ça, comme je vous disais. Donc, allez voir ça. Vous avez différents articles qui parlent de ça. Et puis maintenant, ben, au Japon, écoutez, la situation s'est envenimée encore plus aujourd'hui. On a eu des nouvelles augmentations de radiation, de radioactivité à Ibaraki au Japon. Ça a été révélé aujourd'hui même, ce matin. Et on apprend qu'on a un deuxième complexe de réacteurs nucléaires qui est situé dans cette localité-là de Ibaraki au Japon. Et vous avez les détecteurs de radioactivité qui ont montré qu'on avait des niveaux de radiation dans la ville de Ibaraki qui sont passés de 639 à 2040 becquerel, si je me rappelle bien, dans les 12 dernières heures. Alors, vous savez, Ibaraki, c'est à environ 100 km de Fukushima. Et puis, entre les deux endroits, on n'a pas relevé d'augmentation significative des taux de radiation. Alors, ces taux de radiation-là ne viennent fort probablement pas de Fukushima, mais bien de la centrale nucléaire de Tokai. Alors, vous avez une autre station là, et on a un réacteur opérationnel, puis vous en avez un autre qui a été décommissionné. Donc voilà, une autre situation qui se développe maintenant, comme si on n'en avait pas assez. Et ben là, vous avez des taux, comme je vous disais, là, absolument catastrophiques qui commencent à augmenter dans cette ville-là. Donc, c'est assez particulier, là. Et vous voyez que la situation n'a pas fini de s'empirer aux États-Unis, au Japon. Donc, vous avez les confirmations ici dans un des articles que j'ai, qu'il y a eu des problèmes au deuxième réacteur numéro 2 de Tokai. On a, selon le Fire and Disaster Management Agency, un problème avec les pompes qui amènent les systèmes de refroidissement, qui amènent l'eau dans ces systèmes-là. Alors, cette pompe, elle a arrêté de fonctionner. Et puis, on se retrouve avec des problèmes qui sont en train de surgir. Et puis, on pourrait évidemment assister à des feux. Alors, des feux qui pourraient se déclarer si c'est évidemment ces combustibles, ces créons de combustible nucléaire commencent à s'échauffer, comme ce fut le cas à la station de Fukushima. Alors, une situation à surveiller de plus près, de très près. Vous avez les dernières nouvelles. Donc là, on a plusieurs. Écoutez, là, j'en ai là à la tonne de ces nouvelles-là. Je vais essayer de faire un tour rapide de la situation. C'est quasiment impossible de faire un tour rapide, mais je veux me garder du temps pour la situation au Moyen-Orient. Là, on se retrouve avec deux réacteurs qui sont explosés sur les six à Fukushima. Il y en a un qui se retrouve à avoir, comme je vous parlais, il y a ces piscines qui sont situées au-dessus de ces réacteurs de General Electric. Alors, quand les réacteurs ont explosé, ou en fait les chambres de confinement ont explosé à cause de l'accumulation d'hydrogène et de surchauffe, eh bien, cela endommage les piscines où sont entreposés les combustibles déjà utilisés. Qu'on a utilisé sur une période de 30 à 40 ans déjà. Donc, on en a accumulé des tonnes. Et puis, ces explosions-là ont endommagé ces piscines qui sont quand même assez profondes. Là, on parle d'environ 15 mètres de profond. Et puis, on a plusieurs tonnes, c'est des centaines, c'est pas des milliers de tonnes de combustibles utilisés, radioactifs, qui sont entreposés là depuis très longtemps. C'est là qu'on les entrepose. Alors, boum, quand le truc explose, ça endommage toutes ces piscines d'entreposage-là. Et on en parle très peu dans les médias, parce que là, on parle des combustibles qui pourraient fusionner dans les cœurs des réacteurs, mais c'est une farce à comparer à la quantité de matériel radioactif, de combustibles radioactifs qui sont contenus dans ces piscines d'entreposage-là. Et puis, il y en a une dans chacune de ces centrales, de ces réacteurs, de ces bâtiments que vous voyez partout sur les photos. Il y en a six. Eh bien, chacun de ces bâtiments-là en contient plus ou moins. Imaginez, complètement débile. Ça, on n'en parle presque pas. Et puis, là, ce qui arrive, c'est que, vous voyez, dans les nouvelles, on parle tout le temps de ces fameux camions de pompiers et ces différents équipements qu'on utilise, les hélicoptères pour essayer d'apporter de l'eau dans ces fameuses piscines d'entreposage-là. On dit qu'on essaie de déverser ça sur les cœurs des réacteurs, mais ce n'est pas seulement ça qui inquiète, c'est que vous avez de ces piscines-là qui sont en train de se vider. Il y en a une d'ailleurs qui apparaît comme étant fissurée. Elle apparaît avoir un trou assez important pour faire en sorte qu'on ne soit pas capable de la maintenir remplie. Alors, ce qui est un problème énorme, évidemment, parce qu'on entrepose, comme je vous disais, du combustible déjà utilisé dans ces piscines. Et pas un peu. Ici, vous avez une piscine dans le réacteur numéro 4 qui contient environ 130 tonnes d'uranium qui pourrait être relâché directement dans l'environnement si ces trucs-là continuent à s'échauffer et que la piscine n'est pas remplie d'eau ou de refroidisseur, ou peu importe qu'est-ce qu'on utilise pour refroidir ces combustibles déjà utilisés. Alors ça, c'est une situation absolument inquiétante. Et puis, on en parle évidemment très peu dans les médias. Ensuite, vous avez une nouvelle ici, on parle de 20 000 personnes mortes possiblement au Japon. Évidemment que les chiffres continuent de grimper de jour en jour. Vous avez aussi des dizaines de milliers de personnes qui sont encore manquantes. Alors, évidemment qu'on n'a pas tout retrouvé, les corps. Plusieurs ont été tout simplement emportés dans l'océan. On ne les retrouvera probablement jamais. Donc, une nouvelle, allez voir ça. On a retrouvé de l'iodine, de l'iode en fait radioactive dans l'eau de robinet à Tokyo. Alors, on commence à retrouver des éléments radioactifs, des traces de radioactivité dans l'eau publique, imaginez ça. Vous voyez évidemment le gouvernement japonais et puis TEPCO, la compagnie privée là, qui gérait la station nucléaire de Fukushima, mentir au public. D'ailleurs, vous avez le directeur de TEPCO qui a éclaté en sanglots cette semaine en admettant que la situation est absolument désastreuse, que les taux de radiation étaient beaucoup plus élevés que ce qu'il voulait l'admettre. Donc, vous voyez là qu'on essaye évidemment minimiser la situation, essayer de la faire paraître moins grave que ce qu'elle est. Ça, c'est une chose vraiment très importante là, qui ressort de toutes les nouvelles de la semaine. C'est incroyable comment on a essayé de tout simplement de minimiser la gravité de la situation, autant dans les médias de la part des gouvernements, puis je ne parle pas juste du gouvernement japonais, mais de beaucoup de gouvernements, dont celui américain, les médias américains aussi, qui, comme je vous disais un peu plus tôt, là, essayaient tout simplement de rire de la situation. Ann Coulter qui est sortie pour dire quand même que c'était bon pour vous, la radioactivité, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Là, vous avez une nouvelle ici qui parle de la crise qui sévit au Japon. Vous avez plusieurs personnes qui n'ont pas de nourriture à manger dans les zones dévastées. Vous avez des gens qui, tout simplement, n'ont pas d'électricité, sont en plein milieu de l'hiver là-bas, sont en train de geler ben raide. On a eu des tempêtes de neige cette semaine. Donc, c'est une situation assez particulière, là. On se retrouve quasiment, là, on est passé du jour au lendemain d'une société avancée technologiquement parlant du 21e siècle à tout simplement une situation en débâcle totale, là, je veux dire, en dérape totale. Là, on est en train de voir quasiment des scénarios d'après-guerre. C'est complètement ahurissant de voir les images qui sortent de là. Et réellement, cette catastrophe, de la façon qu'elle se déroule, est vraiment un peu une histoire, un peu, je dirais, qui porte une certaine, une portée, je dirais, peut-être, à la conscience, je dirais. C'est une histoire horrifique qui montre comment que les civilisations contemporaines peuvent s'effondrer dans l'espace d'un battement de cœur. Que ce soit par des désastres naturels, des erreurs humaines ou une combinaison des deux, comme on voit se dérouler au Japon. Et puis ça, c'est un élément qui me frappe souvent. Ça fait quand même des années que j'ai ça quand même en tête. Et puis, c'est un peu cette fragilité, cette illusion dans laquelle on vit. Hein? On dirait que rien ne va changer, que notre mode de vie va continuer jusqu'à temps qu'on meure, qu'il n'y a aucun problème. Et puis on s'aperçoit comment que la réalité de tous les jours peut changer à 180 degrés du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, et que nos vies peuvent être complètement transformées et changées. On peut complètement tout perdre ce qu'on avait, tout notre mode de vie, notre position qu'on pensait avoir dans la société, notre travail, notre statut social, notre maison, nos avoirs, tout peut être lavé en une heure. Je veux dire, ça a pris à peu près une heure, puis toutes les gens qui étaient dans les régions dévastées au Japon ont vu leur vie basculer du jour au lendemain. C'est quand même une pensée à avoir, et puis je dirais que c'est peut-être même. Je dirais que c'est peut-être sain même de contempler un peu cette situation-là. Parce qu'à un moment donné, si on est appelé malheureusement à vivre des situations telles que ce que les Japonais vivent en ce moment, ben peut-être qu'on ne sera pas pris au désarroi, pris simplement surpris, mais peut-être mieux préparé mentalement à faire face à de telles situations. On vit dans des belles illusions confortables de nos vies occidentales, et puis tout ça peut partir du jour au lendemain, vraiment très rapidement. Vous avez un excellent article ici que j'ai porté à l'attention des lecteurs aussi sur les nouvelles internationales, les sans-papiers, puis les 7 du Québec, qui nous vient du monde diplomatique, l'excellent monde diplomatique, qui, bon, des fois est un peu endormant, mais cette fois-ci a publié un article très intéressant. On parle ici d'un peu cette situation-là médiatique, du discours officiel qui est repris par les médias dans toute cette situation du Japon. L'article s'intitule Tout est sous contrôle. Et on dit que, bon, on compare avec le discours officiel repris par les médias et que là encore, nous assistons dans tous ces jours suite à la catastrophe, là, du départ de la catastrophe, là, le 12 mars dernier au Japon, un hiatus énorme entre ce qui est dit puis ce qui est fait. Dans la pratique, on instaure une zone d'évacuation dont le diamètre va d'ailleurs grandir au fil du temps. On distribue de l'iode, on prépare les systèmes de mesure de la radioactivité. Dans le discours, par contre, nous aurons deux antennes qui reviennent en permanence. Les doses reçues ne sont pas dangereuses pour les populations et on ne peut pas comparer avec Tchernobyl. Alors, on répète tout le temps ça, constamment ça dans les médias, sous une forme ou sous une autre. Experts, décideurs politiques et économiques et journalistes spécialisés vont s'efforcer de relayer ce message. Et pour des raisons de court terme, au Japon notamment, mais surtout d'intérêts bien compris, éviter que l'accident n'ait des conséquences sur la filière en France et dans le monde, l'information qui va être délivrée ne sera jamais une image du réel impitoyable qui se met en place, mais une volonté permanente de rassurer au prix de tous les petits arrangements avec la réalité. Quant à la comparaison avec Tchernobyl, essayons de mesurer ce qu'elle représente. L'explosion de la centrale ukrainienne, l'éjection dans la stratosphère du nuage radioactif et les retombées sur un continent entier seraient-elles la seule forme de la catastrophe nucléaire? Dès lors, tant que l'explosion n'aurait pas eu lieu, il n'y aurait pas de catastrophe nucléaire, comme l'affirmait sans rire samedi Éric Besson, ministre français de l'Industrie. Ou cette déclaration hallucinante d'Anne Lauvergeon, présidente d'Areva, et à ce titre en responsabilité sur la filière nucléaire. Et je cite, « Je crois qu'on va éviter la catastrophe nucléaire », a-t-elle déclaré. Quand même, c'est assez incroyable. Pendant ce temps, rapporte le Monde diplomatique, l'accident grimpe régulièrement sur l'échelle internationale nucléaire de l'International Nuclear and Radiological Event Scale, donc on appelle la INES, d'une position 4, signe d'une situation maîtrisée et d'un relâchement de matière radioactive important mais limité à l'échelle locale, à la position 6, accident grave, tout près du maximum 7, accordé à Tchernobyl. Pendant ce temps, nous voyons sur des vidéos diffusées en direct des explosions de la centrale. L'un après l'autre, les bâtiments sont soufflés en nuages, qui à chaque fois ne sont pas le grand champignon qui seul serait signe de catastrophe. On nous parle de l'enceinte de confinement comme du dernier rempart et nous devons être convaincus qu'elle tient encore et tiendra toujours. Là encore, le fossé entre le discours et les faits laisse pantois. Mais réfléchissons à cette focalisation sur l'explosion. Il s'agit d'un double mouvement médiatique. L'attente garde le spectateur en haleine et les médias, tout comme les spectateurs, croient toujours que le monde est un film hollywoodien avec un happy ending obligatoire, mais il s'agit aussi de masquer la réalité de la situation de catastrophe qu'elle est déjà, elle est déjà en place. Car même si l'expulsion de matière radioactive sur une large distance est évitée, ce qui semble de moins en moins probable au moment où on écrivait ces lignes au monde diplomatique, et puis encore moins aujourd'hui, car les ingénieurs viennent de quitter leur poste compte tenu de l'intensité de la radioactivité. Les matières radioactives sont déjà propulsées sur une large zone. Tokyo, avec ses 35 millions d'habitants, connaît une augmentation rapide de la radioactivité. Alors même que le gouvernement japonais se veut rassurant envers la population, lundi 14, le porte-avions américain, le Ronald Reagan, pourtant situé à 150 km des côtes du Japon, se déplaçait pour éviter un nuage radioactif. Alors, on avait détecté des nuages radioactifs dans lesquels le Ronald Reagan, le porte-avions, avait traversé. Et puis, il a fallu décontaminer le bateau, l'équipement, et puis plusieurs personnels de l'équipage du Ronald Reagan. Imaginez, on l'a même déplacé un peu plus loin pour éviter ce nuage-là. Car le maintien, quand il est encore possible, de la température du cœur passée par les relâchements volontaires ou explosifs de vapeurs chargées de radionucléides, ce qui est signe de catastrophe, avec à l'évidence des conséquences sur la santé humaine, l'agriculture et l'alimentation. Mais cela n'empêchait pas les experts de l'Organisation mondiale de la santé, cette même institution qui voyait dans la grippe H1N1 une menace pour la planète, de déclarer, et je cite, d'après ce que l'on sait pour l'instant sur les niveaux de radioactivité, le risque de santé publique est minime pour le Japon. Fin de la citation. Imaginez les malades. Dans l'article ici, on écrivait, on est alors lundi le 14 mars, et c'est repris dans une dépêche de AFP à 18h. Vous avez Grégory Hartle, porte-parole de l'OMS, qui ajoutait sans rire, et puis je rouvre la citation. Cela veut dire que si quelqu'un est touché, les risques ne sont pas très grands. Fin de la citation. Voilà ce genre d'optimiste complètement dangereux et malade mental. Devant la naïveté tant d'experts patentés que les médias, nous sommes en droit de soulever que quelques questions essentielles pour la société qui vont émerger de cette catastrophe en cours. Il va y avoir évidemment des questions très importantes. Terminons en admirant la façon dont on suppute dorénavant sur l'imminence de la pluie, sur le sens du vent, sur la force des vagues pour déterminer les risques encourus par les populations du Japon et des pays de la zone Pacifique. Comme des augures de l'Antiquité, la société technomédiatique en est réduite à espérer des signes du ciel pour conjurer le sort. Si l'humanité dispose de plus de connaissances, il est clair qu'elle n'a pas beaucoup plus de sagesse. Conclut cet excellent article que je vous invite à lire dans son entièreté parce que très, très, très intéressant. Alors, crise incroyable, allez voir ça. C'est toute une situation qui se passe là-bas. Vous avez ici des données que je vous ai mis en lien pour la détoxification si vous êtes contaminé par la radioactivité ou des éléments radioactifs. Alors, vous avez des livres, des traitements ici pour la contamination qui peuvent aider, je dis bien. Donc, allez voir ça, ça peut être pratique. Passer l'information pour les gens qui en auraient besoin. On parle de ce potassium et d'iode aussi, à ne peut-être pas nécessairement prendre si vous n'êtes pas exposé aux radiations, mais qui peuvent être utiles auquel cas où vous seriez exposé. Un article un peu à portée historique aussi, on parle de 80 000 cancers qui ont été causés par les retombées radioactives des tests de bombes nucléaires qu'on a faites à travers l'histoire. 15 000 de ces cancers ont été fatals. Et puis, vous avez, ça vient de la Radiation Truth Commission. Vous avez 80 000 personnes, en fait, qui ont vécu aux États-Unis durant ces 50 dernières années, qui ont contracté le cancer à cause de ces retombées atmosphériques des tests nucléaires qu'on a faits dans ce pays, les États-Unis. Donc, quand même assez incroyable. Le gouvernement qui a explosé des bombes à hydrogène, les 215A. Et toutes sortes de bombes qu'on a fait exploser même au-dessus du sol en 1951 et puis 1963 dans les sites de test du Nevada, le désert du Nevada, et sur aussi des îles du Pacifique. Parlez-en aux Australiens, ils en savent pas mal à ce sujet-là. Et vous avez aussi des tests des bombes nucléaires françaises qui ont été faites dans ce coin-là. Donc, vous avez ici un article aussi un peu à implication historique où on parle des accidents majeurs nucléaires qui se sont passés à travers la planète depuis 1954. Vous avez ici une quantité assez importante justement d'accidents comme ça qui se sont produits, des accidents majeurs. Et puis, ça vous montre encore là que l'industrie du nucléaire n'a rien de sécuritaire. Et puis, toutes les fois qu'il y a un problème, bien, ce sont des graves problèmes. On a bien de la misère à gérer ces situations-là. Vous en avez en 54, 57, 79, en 86, 1993, en 1999, 2004, vous en avez un autre là-bas, au Japon, qui s'était passé à 350 km à l'ouest de Tokyo. Alors, vous aviez des gens qui ont été tués, d'autres qui ont été contaminés par des relâchements, des fuites de matière radioactive. Alors, allez voir ça. Vous avez des gouvernements aussi qui ont essayé de dissimuler tous ces trucs-là. Aussi des fissions de cœurs nucléaires depuis 50 ans pour protéger l'industrie nucléaire. Alors, vous avez un autre article ici qui parle de trucs assez incroyables. On parle qu'en 1959, il y a eu une fission nucléaire dans un des trois nucléaires de Santa Susana. C'est un laboratoire qui a été opéré par Rocketdyne et qui avait relâché, selon certaines estimations de scientifiques, jusqu'à 240 fois plus de radiation que l'incident de Three Mile Island. Donc, vous voyez, puis depuis ce temps-là, bon, on n'en avait jamais parlé. Alors, ça commence à sortir maintenant publiquement, ce qui est bon, et puis que ça montre justement que cette industrie-là, non seulement n'est pas sécuritaire, mais quand il arrive de quoi, en plus, il vous ment tout le temps sur la situation réelle. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi faire confiance à toute cette industrie nucléaire et puis à son lobby. Donc, vous avez même la Commission de l'énergie atomique qui a menti et qui avait déclaré qu'on avait seulement à peu près un crayon de combustible qui avait été endommagé partiellement et qu'il n'y avait aucun problème, alors qu'en fait, on avait 240 fois plus de radiation qui avait été relâchée que Three Mile Island. Et puis ça avait été gardé secret d'État pendant 20 ans. C'est incroyable. Ça vient de qui? De la Commission de l'énergie atomique. Hein? Des gens à qui on peut faire confiance. Ensuite, vous avez rapidement aussi, je vais rouvrir et fermer le dossier là-dessus assez rapidement. J'en ai parlé un peu la semaine passée, mais il faut faire un retour là-dessus. Il y a de plus en plus d'évidences qui sortent et qui semblent crédibles. Je trouve ça encore difficile de juger réellement sur ce qui s'est passé véritablement. Donc, ça reste encore un peu au niveau hypothèse de travail. Un peu comme une enquête policière, il faut accumuler des évidences jusqu'à temps qu'on ait un dossier solide et réfutable. Alors, les évidences s'accumulent en ce moment. Je ne dirais pas que le dossier est fermé et qu'on a des preuves concluantes. Donc, je ne m'avancerai pas jusque-là. Mais je dirais qu'il y a des évidences troublantes qui viennent de sources officielles qui montreraient qu'effectivement, HAARP avait été mise en fonction toute la semaine précédente le large tremblement de terre de 9,0 le 12 mars dernier et qui émettait dans la ionosphère des fréquences à 2,5 Hz, qui est la fréquence des tremblements de terre. Et que ces émissions de fréquences avaient été émises pendant quasiment une semaine au complet avant le 12 mars. Et puis le 12 mars, lorsqu'est survenu le tremblement de terre, après qu'il y a eu des pré-secousses, alors vous avez tout le temps des secousses avant le grand tremblement de terre qui avertissent que justement il est pour se produire. Et la journée du 12 mars, plutôt que là, HAARP s'est mis en arrêt. Après que le tremblement de terre soit déclenché. Vous avez plusieurs sources qu'on m'a envoyées, que j'ai trouvées, qui semblent corroborer, qui, je dis bien semblent jusqu'à aujourd'hui, corroborer quand même de façon assez pesante le fait que HAARP aurait pu être utilisé pour justement déstabiliser cette faille qui s'est mise à trembler et puis qui a ravagé le Japon. Alors, je vais vous mettre des liens, il y a des trucs à aller trouver, vous allez trouver sous l'article que j'ai publié la semaine passée sur Fukushima, le désastre nucléaire, des commentateurs qui laissent des liens par rapport à ça qui sont très intéressants puis qui sont loin de la théorie de conspiration hulu-berlu complètement fuckée dans la tête, qui vient de des sources officielles où on voit carrément les émissions mesurées, même des instruments au Japon. Les émissions de HAARP, vous avez des vidéos qui montrent des modifications justement des nuages et puis de ces fameux arcs-en-ciel qui ont été notés dans toutes les utilisations pré-HAARP. HAARP, c'est quoi? J'en ai parlé souvent, c'est ce système d'antennes qui sont même, vous avez même un bateau de HAARP, HAARP 2, qui se déplace sur les océans et qui était non loin des côtes justement du Japon. Assez particulier, chers amis, assez particulier. Donc, est-ce que c'est la cause du tremblement de terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore de façon sûre et certaine. Mais ce que je vous dis, c'est que il vaudrait peut-être bon de garder un œil là-dessus et de continuer à approfondir ce dossier-là pour essayer de déterminer si effectivement ça a été causé par HAARP. Parce que si ça a été causé par HAARP, là, on se retrouve avec une gang de maniaques mentales, de débiles, de fuckés, qui sont capables d'utiliser une technologie capable de causer des tremblements de terre. Puis ça, c'est bien établi, là. Il n'y a aucun problème avec ça, là. Capable de causer des tremblements de terre. Et qui cause des désastres de la sorte. Vous imaginez un petit peu le genre de type de criminel à qui on aura affaire. Vous avez des traités à l'ONU, OK, qui défendent, qui interdisent l'utilisation de technologies de modification du climat, de la météo, si vous voulez. On a des technologies qui existent déjà. Vous avez des traités à l'ONU qui existent depuis 20-30 ans. On a des technologies qui sont, qu'on a carrément admises, qui sont même publiquement admises là, par des gouvernements. On est capable de modifier le climat, la température qui se passe dans une journée, et qui sont maintenant capables aussi de créer des tremblements de terre. Donc, ça, c'est pas des fabulations là, d'un gars là, qui a trop bu là, avant de faire son show de radio. Là, je veux dire, c'est des trucs qui existent carrément. Donc, allez voir ça. Ça, c'est vraiment un truc vraiment inquiétant, disons. Ensuite, il y a une autre affaire assez particulière. C'est qu'il commence à remonter à la surface des présomptions comme quoi que Stuxnet a été trouvé, en fait, aurait été trouvé responsable ou peut-être aurait été responsable du fait que, justement, les systèmes de refroidissement n'aient pas plus fonctionné lors du tremblement de terre dans les centrales nucléaires de Fukushima et ailleurs. Vous vous rappelez de cette histoire de Stuxnet qui a été bien démontrée comme étant un virus qui a été créé par les services secrets israéliens et aussi américains et qui a été utilisé pour contaminer le plan, la centrale nucléaire de Bushehr, en Iran, qui aurait pu causer un incident nucléaire. Alors, c'est un virus qui a été introduit par clé USB dans la centrale nucléaire, dans les ordinateurs, et puis qui vient, excusez-moi le mot, là, mais fucker le chien. Un bon Québécois, qui vient tout bousiller les systèmes, et puis vient, finalement, là, si vous voulez, créer le désarroi dans ce système informatique-là, Et puis là, ben, vous avez différentes nouvelles qui commencent à remonter, qui d'ailleurs, on avait trouvé Stuxnet au Japon au mois d'octobre passé, qui aurait peut-être pu avoir des conséquences imprévues, hein, on parle ça des attaques de hackers d'Israël contre Bouchehr en Iran, excusez-moi, qui aurait pu avoir des conséquences à Fukushima. Alors, selon une compagnie de sécurité, le virus qui a été désigné pour justement attaquer un programme qui a été fait en Allemagne, un programme qui est utilisé, un software qui est utilisé pour gérer les systèmes d'eau, de gaz et de pipeline. Alors, le programme est utilisé justement dans des installations publiques à travers le monde, incluant au Japon. Alors, vous avez Israël et puis les États-Unis qui ont créé Stuxnet. Stuxnet a été déployé pour créer un problème sans précédent dans la station d'électricité nucléaire en Iran. Et puis, il pourrait se retrouver que Stuxnet s'est échappé de sa cible première et puis se serait étendu, propagé à l'Asie. Et comme certains documents qui vont être en ligne sur les nouvelles internationales, Stuxnet a été trouvé au Japon au mois d'octobre passé. Et de façon présumée, ce serait étendu et aurait peut-être même atteint les centrales nucléaires du Japon. Vous avez Stuxnet qui cible justement les systèmes de contrôle Siemens qui sont faits en Allemagne. Et puis la centrale de Fukushima utilise les systèmes de contrôle de Siemens qui, en fait, étaient attaqués directement par Stuxnet qui lui a été désigné sur mesure pour interférer avec ce système-là. Alors, il se pourrait que les difficultés des opérateurs à Fukushima de retrouver le contrôle des réacteurs qui étaient en train de s'emballer pourraient avoir une signification beaucoup plus sombre qu'on le pense. Si on se rappelle, les premiers problèmes suivant le tremblement de terre du 12 mars étaient que les systèmes de fermeture automatique n'ont pas fonctionné comme les opérateurs le voulaient dans les réacteurs. Okay? Donc, les opérateurs essayaient de fermer ces trucs-là, les pompes ne fonctionnaient plus, les valves n'ouvraient plus, même lorsque reliées aux batteries de secours. Le même genre de trouble que Stuxnet est justement créé pour faire. Et qui avait été créé pour causer dans la station en Iran. Est-ce que ça se pourrait que finalement Fukushima a été hacké par Stuxnet, créé par Israël et les États-Unis? Alors, c'est une information assez importante. C'est encore un peu à l'état de question, sauf qu'encore là, ça vaut la peine de se pencher sur cette histoire-là parce que ça pourrait être aussi une des clés de ce qui s'est passé là et puis qui a ajouté à la tragédie. Alors, vous avez différentes aussi personnalités qui se sont penchées sur ce truc-là. Vous avez d'ailleurs Braden Bow qui lui a parlé justement en fait des problèmes de design hein, dans cette centrale-là, dont les fameux réacteurs de General Electric. Qui, bon, lui, s'est adressé à ABC News et puis il parlait justement de ces problèmes-là. Ça, c'est un problème important qui est ça, qui est certain. Et puis là, on a certains analystes ici qui ont évoqué justement la possibilité que cette histoire de Stuxnet est une façon de détourner l'attention sur des choses qui sont certaines à l'heure actuelle, c'est que ces fameux réacteurs-là, designés par General Electric, comporte des failles de construction importantes qui étaient d'ailleurs reconnues pour être beaucoup plus susceptibles de tomber en fusion nucléaire lors d'un événement comme c'est passé au Japon. Alors, des réacteurs nucléaires qui sont beaucoup plus fragiles, qui ne sont pas vraiment sécuritaires, qui ont une grande faille dans leur design. Puis malheureusement, ces réacteurs-là se retrouvent un peu partout à travers le monde, dont aux États-Unis, on en a plusieurs. On en a plusieurs, et puis non seulement on en a plusieurs, mais c'est que General Electric pourrait maintenant faire face à des accusations de négligence, des poursuites judiciaires très importantes, qui pourraient tout simplement mettre General Electric à terre et complètement la ruiner. Alors, est-ce que l'histoire de Stuxnet en est une façon de tout simplement détourner l'attention de ça, peut-être même l'histoire de Harp aussi. Okay? Donc, je soulève des points ici. On n'a pas des questions, des réponses définitives à ça. Sauf qu'on est en train de toucher à des trucs quand même assez importants. OK. Donc, voilà, vous allez trouver plusieurs nouvelles par rapport à ça. Donc, évidemment que, écoutez, évidemment que la stupidité du design du réacteur Mark One de General Electric, c'était évidemment d'avoir ces piscines d'entreposage de combustible déjà utilisés au-dessus des réacteurs. Donc, si le réacteur, lui, explose ou il rentre en fission nucléaire, qu'est-ce que vous pensez qui arrive avec la piscine qui est située au-dessus? Évidemment que la piscine, elle va passer au cache aussi, là. Dans cette piscine-là, on n'a pas juste 63 crayons de combustible dans un assemblage, on a des milliers de tonnes de déchets nucléaires qui sont entreposés dans ces piscines-là, comme c'est le cas dans le réacteur numéro 4 en ce moment, qui, elle, est percée et fissurée. Donc, même si on lance de l'eau à profusion dans cette piscine-là pour essayer de maintenir le niveau élevé, pour que on tient refroidit ces matériaux qui y sont plongés, ben c'est complètement inutile parce que l'eau s'y échappe de façon automatique. Alors, vous voyez qu'on fait face à un problème majeur, très important dans ces réacteurs-là, un problème de design et puis maintenant un problème qui cause un désastre radioactif incroyable au Japon. Alors, voilà quoi. Donc, vous avez à peu près 11 000 de ces crayons de combustible déjà utilisés qui sont entreposés dans ces fameuses tanks, dans ces fameuses piscines d'entreposage qui sont situées dans le plafond, dans le toit de ces bâtiments-là. Un design complètement imbécile. OK? Puis là, en plus de ça, vous avez les générateurs qui, eux autres, étaient situés au niveau du sol. Et puis là, vous avez Fukushima qui était situé tout simplement à côté de l'océan. Donc, imaginez qu'est-ce qui arrive quand il y a un tsunami qui arrive, qui n'est pas une affaire rare au Japon. C'est vraiment une possibilité tout le temps au Japon, dès qu'il y a un tremblement de terre. Et puis, je vous rappelle que le Japon, c'est le pays, la nation au monde qui subit le plus de tremblements de terre dans une année. Alors, il faut être assez con pour aller placer des générateurs au niveau du sol, alors qu'on peut avoir des tsunamis qui arrivent à n'importe quel moment. Et puis, vous avez ces fameux bâtiments-là qui ont été designés de façon carrée, alors qu'ils se prennent la vague de plein fouet, alors de les avoir designés en rond, par exemple. Alors, vous voyez un peu la stupidité de tout ce design complètement imbécile qui a tout contribué à créer une situation complètement catastrophique au Japon. Alors, on se retrouve dans une situation qui devient de pire en pire. Vous avez plusieurs problèmes dans ces piscines d'entreposage-là avec des niveaux de refroidisseurs, de liquide refroidisseur très bas. Vous avez ces fameuses matières radioactives qui s'échauffent dans plusieurs de ces bâtiments-là. On a de la misère à les garder au froid, on a de la misère à contrôler la fusion nucléaire. Vous avez ici 14 raisons aussi que le Japon est en train de s'écrouler économiquement, que ça a déjà commencé. Vous avez la Banque du Japon qui a annoncé qu'elle va inonder l'économie japonaise avec 15 trillions de yens japonais, ce qui est l'équivalent d'environ de 183 milliards de dollars. On va essayer de donner de la liquidité dans les marchés à court terme. Donc, évidemment qu'on va lancer le Japon sur une lancée inflationniste très élevée. Vous avez la Nikkei 225 Stock Exchange qui a baissé de 6% juste lundi dernier. On parle ici des 6 raffineries qui ont été endommagées et détruites, qui, elles, raffinaient plus de 31% de tout le pétrole japonais. Vous avez des dommages incroyables à un réseau routier, des ponts, des ports, des systèmes ferroviaires qui est estimé dans les milliards de dollars, des systèmes d'aqueduc, aussi les systèmes d'électricité qui ont subi des dommages inimaginables. Et puis, vous avez plusieurs autres raisons comme ça qui montrent que justement, là, le Japon est en train de manger une sérieuse claque économiquement. Vous avez aussi, vous devez vous rappeler que le Japon détient à peu près 882 milliards de dollars en bons du Trésor américain et qui vont devoir liquider aussi une partie de cette dette américaine, ce devrait plonger l'économie américaine encore plus dans la récession. Vous avez plusieurs manufactures au Japon qui sont obligées de fermer les portes au moins temporairement. Par exemple, Nissan qui a été obligé de fermer 4 manufactures, Sony qui en a fermé 6, Toyota qui a fermé toute sa production dans toutes ses manufactures au Japon jusqu'au moins le 16 mars. Alors ça, c'était il y a quelques jours. Alors, vous voyez des impacts importants. Vous avez les institutions financières étrangères, donc les banquiers internationaux et les financiers qui s'enfuient du Japon. Vous avez le déficit du Japon qui déjà faisait 9% de son PIB et qui maintenant va évidemment s'agrandir encore plus. Ensuite, vous avez les fameuses machines de guichet automatique au Japon qui, dans plusieurs endroits, ont cessé de fonctionner. Donc, on a été capable de faire des transactions importantes d'argent. Ensuite, vous avez le Japon qui va rapporter beaucoup d'argent des États-Unis, qui est investi aux États-Unis, ce qui devrait donner une sérieuse claque encore là à l'économie américaine. Donc, ensuite, vous avez aussi des ventes sur les marchés financiers, donc de pas loin de 300 millions de dollars à Tokyo. Alors, soyez une sorte de trucs comme ça. Vous avez les stock markets aussi, la Nikkei Future qui est descendue de 16%. La suite des événements, ensuite, ça remontait un peu là, de quelques pourcents, mais donc se sont pris un sérieux coup dans le nez. Vous avez plusieurs compagnies, comme je disais, qui ont été obligées de suspendre leur production. Alors, vous allez voir ça. Les vents qui apportent des retombées radioactives semblent chasser aussi les évacués, les réfugiés au Japon. Vous avez des taux qui commencent à être détectés même sur la côte des États-Unis, dont Hawaï. C'est encore très faible, mais on sait que ça commence déjà à se propager là-bas. Vous avez, n'oubliez pas, 35 à 36 millions de personnes qui habitent aussi dans Tokyo, qui est à environ à pas loin de quoi, de 300, 350 km là, au sud de Fukushima. On commence déjà à enregistrer des taux élevés de radiation. Ça dépend des jours et puis des vents. On parle aussi ici un peu d'un hommage aux 50 travailleurs qui travaillent de façon acharnée pour essayer de minimiser les conséquences dévastatrices de Fukushima, ces fameux travailleurs qui sont retirés puis qui retournent sur les lieux de façon intermittente pour essayer de contrôler la situation, qui, je pense bien malheureusement, ont sacrifié leur vie. On va le savoir dans pas très longtemps, mais ces gens-là sont sûrement exposés à des taux de radiation beaucoup trop élevés qui vont causer de cancers multiples et puis entraîner leur mort dans une période très rapprochée, je pense. Alors, on va voir ça. Il faut rendre hommage à ces gens-là qui se battent pour essayer de contrôler cette situation. Situation contrôlée par, encore là, comme je vous dis, un lobby nucléaire, une industrie nucléaire complètement irresponsable et un mensonge et une chape de silence qui entoure toute cette industrie-là. Et puis surtout, plus quand il y a des événements désastreux comme on est témoin en ce moment. Vous allez trouver un article avec plusieurs photos aussi de ça. Les compagnies étrangères qui commencent à se retirer. Vous avez les travailleurs de BMW qui ont retirer la famille et leurs travailleurs de la France. Vous avez la Société Générale aussi qui a retiré les 200 de ses employés qui vont être transférés de Tokyo. Et vous avez d'autres comme BlackRock et puis Fidélité des fonds américains qui vont retirer l'argent et puis les envoyer à Hong Kong ou à Singapour. Des sortes de compagnies, des multinationales comme ça. Vous avez la HSBC qui aussi va continuer, par contre, elle, à opérer dans la capitale japonaise. Donc, vous avez aussi des plans d'évacuation qui sont mis en place pour les Américains. Alors, vous avez ici des bateaux et puis des avions qui vont être mis à la disposition des gens pour les évacuer. Vous avez 87 000 Américains qui habitent au Japon. Vous en avez 15 000 qui sont déjà sur les listes pour être évacués, donc du personnel américain qui sont confirmés, qui vont être déplacés de là. Et vous avez un total de 200 000 Américains là, qui travaillent au niveau militaire là, qui vont être évacués du Japon vers la côte ouest, possiblement. Donc, vous avez un genre d'exode comme ça, un exode d'un cauchemar nucléaire. Et vous avez de ces gens-là qui commencent déjà à se rendre dans des pays à l'étranger. Vous en avez reçu des personnes ici à Taïwan. Vous avez des personnes qui sont revenues aussi aux États-Unis puis ailleurs en Europe. On a des passagers japonais qui ont fait déclencher les mesureurs, là, les détecteurs de radiation dans les aéroports à Dallas puis à Chicago, ici aussi à Taipei. Et même affaire aussi dans l'aéroport de O'Hare à Chicago. Donc, voyez là que, bon, c'est pas des taux là, catastrophiques, mais vous voyez qu'il y a quand même de la radiation qui s'accumule au Japon, puis que ça commence à porter des signes. Alors, une nouvelle assez surprenante ici, vous avez la mafia qui est parmi les premières à organiser de l'aide d'urgence. C'est rapporté par The Straits Times. Ça, c'est assez particulier. Là, vous avez différents groupes là, de mafias japonaises qui se sont mis ensemble pour envoyer 25 camions remplis bon, de couches, de nouilles sèches, de batteries, de lampes de poche, et puis de nourriture, et puis de trucs comme ça essentiels dans la région de Tohoku. Alors, ça, c'est quand même assez particulier aussi. Vous avez la famille, bon, différentes familles comme ça, mafieuses et des groupes organisés au Japon qui ne sont semblés plus rapides que le gouvernement pour envoyer de l'aide. Vous avez un autre groupe ici, le Daily Beast, qui rapporte que vous avez le bloc de Kanagawa qui ont envoyé eux autres 70 camions à Ibaraki et à Fukushima, et d'envoyer comme ça des denrées dans des régions où il y a de hauts niveaux de radiation. Avec, bon, on envoie des camionneurs de Yakuza, donc des gangs comme ça, de groupes organisés sans protection et qui décident d'y aller pour secourir ces gens-là. Donc, vous avez une multitude de nouvelles, bon, qui vont parler de ces radiations-là qui se sont échappées. On parle ici possiblement du pire accident nucléaire que le monde doit faire face maintenant depuis Tchernobyl. Des retombées radioactives qui commencent à se faire sentir un peu partout à travers le monde, même si c'est en quantité assez faible pour le moment. Mais comme je vous dis encore là, est-ce qu'il y a vraiment des doses sécuritaires de radioactivité? Je ne pense pas. Tout ça est biocumulatif, donc une dose de plus, c'est une dose de trop. C'est vraiment ça. Sans vouloir paniquer puis faire vraiment là dans le sensationnalisme épeurant toute la population, là, je veux dire, c'est vraiment une situation particulière. Et puis d'ailleurs, ce désastre-là pourrait bien semer le glas, semer la fin de l'industrie nucléaire à travers la planète. Ça, c'est rapporté par plusieurs observateurs, plusieurs experts. Et évidemment que c'est une sérieuse claque dans le visage de l'industrie nucléaire. Vous avez plusieurs pays, dont l'Australie, l'Angleterre, qui ont décidé de fermer 7 réacteurs. La Chine qui a décidé de suspendre la construction de 2 douzaines. 2 douzaines, c'est 24 centrales nucléaires. Donc, vous voyez là, de plus en plus là, cette genre de prise de conscience-là qui est en train de faire le tour de la planète. Donc, vous avez ici différentes nouvelles à propos du thorium, comme je vous parlais, le thorium qui est très intéressant, si vous voulez, le cycle du combustible du thorium est nucléaire en tant que tel, mais est naturellement abondant. C'est un isotope naturellement abondant qui s'appelle le 232Th, qui est un matériau fertile qui est capable d'être transmuté en un matériel artificiellement fissile. Un isotope d'uranium 233U qui est un combustible nucléaire. Et puis, sauf que c'est-à-dire au contraire de l'uranium naturel, le thorium naturel contient seulement quelques traces de matériel fissile, comme le 231Th. Et puis, ceux-là sont insuffisants pour initier une réaction en chaîne nucléaire. Donc, ce matériel fissile, qui pourrait être utilisé dans les centrales nucléaires, ferait en sorte qu'on n'y aurait pas de risque de fusion nucléaire comme on vit en ce moment au Japon, comme on a vécu à Tchernobyl, ce qui est quand même très, très, très intéressant, n'est-ce pas? Alors, allez voir ça. Vous avez au Venezuela aussi, on a décidé de mettre un frein là, au plan de développement de l'industrie nucléaire dans ce pays-là. Alors, Hugo Chavez qui a décidé que la crise au Japon, là, c'était suffisant pour commencer à réfléchir un peu plus si on voulait vraiment de l'électricité nucléaire au Venezuela. Donc, ensuite, vous avez différents niveaux à propos de ça. Le thorium, la révolte, on parle de ça sur RT. Pourquoi on n'utilise pas ça depuis déjà des années au lieu d'utiliser des matières qui sont dangereuses, qui créent des fusions nucléaires, des réactions en chaîne nucléaire qui sont incontrôlables un coup que le truc s'emballe. Donc, beaucoup de nouvelles comme ça. Vous avez un article ici sur Global Research, très important, l'apocalypse nucléaire au Japon qui lève le voile sur la catastrophe nucléaire et puis toute justement cette campagne pour faire silence, pour cacher ces effets-là. Vous avez un journaliste ici qui a fait carrière justement dans le journalisme, qui lui a évidemment enquêté et puis recherché énormément sur tout le pouvoir, c'est-à-dire l'énergie nucléaire depuis 1993 aux années 2000. Il a visité la Nuclear Regulatory Commission, la NRC, donc il est allé dans les chambres de documents publics et puis lui, il a fait vraiment des recherches très intensives dans tout ça. Il a consulté des milliers de microfilms, des microfiches. Il a vraiment excavé des documents après documents pour chercher la vérité. Il a visité des centrales nucléaires en Nouvelle-Angleterre et puis il a assisté des conférences de l'industrie nucléaire, rencontré des officiels, rencontré des physiciens, toutes sortes de trucs comme ça, même des rencontres publiques, d'autres plus secrètes, toutes sortes de bureaucrates qu'il a rencontrés, des ingénieurs aussi, comme lui il est. Et puis, lui, il a rapporté pendant des années justement sur la corruption de réglementaire, justement sur les échecs techniques. Vous avez des initiatives antidémocratiques pour trahir le public, trahir sa confiance. Et lui, ce qu'il a rapporté bien souvent justement, c'est l'empoisonnement nucléaire et puis l'accumulation radioactive dans l'environnement. Et des plusieurs façons que justement les médias de masse ont supporté et puis perpétué la mythologie sur le nucléaire. Alors, lui, il parle évidemment de toute cette situation-là de Fukushima et de ce fait que les grands médias ne parlent pas de ces piscines de combustible utilisées, des bassins qui contiennent des tonnes de matériel irradié qui doivent être refroidis de façon constante. On ne parle jamais de ça dans les médias, on parle juste des cœurs nucléaires. Les cœurs nucléaires, là, c'est une joke, c'est une farce totale à comparer à ce qui est contenu dans ces piscines de matériel radioactif là, déjà utilisé. Vous avez les réacteurs numéro 4, 5 et 6 qui ont été fermés durant le tremblement de terre. Et puis après ça, l'eau a été drainée de ces piscines-là. Et puis là, on se retrouve avec, comme par exemple, le réacteur numéro 4 dans cette piscine-là où on a eu un feu et qui continue toujours de brûler. On a encore de la misère à le contrôler, qui lui relâche des quantités massives de radiation dans l'environnement. D'ailleurs, c'est là qu'on retrouve aussi du MOX. Alors, le MOX, lui, qui est un mélange d'uranium et de plutonium, alors de combustible déjà utilisé, qui est beaucoup plus radioactif et dangereux pour la santé humaine que l'uranium lui-même. Donc, quand même assez particulier de voir ça. Vous avez aussi différents isotopes comme le césium, qui a une demi-vie de 30 ans aussi, qui pourrait être se retrouver autour de la planète pendant des décennies, qui est relâché dans l'atmosphère par justement ces piscines-là. Donc, les piscines qui sont là, des piscines d'entreposage de matériel déjà utilisé, hautement irradié et radioactif, sont beaucoup plus problématiques que les cœurs même des réacteurs. Alors, n'est-ce pas assez particulier? Juste donner une idée de ça, la bombe atomique qui a explosé à Hiroshima a créé environ 2000 curies de radioactivité. Et puis, ces piscines de combustible déjà utilisées, par exemple, à la centrale nucléaire du Vermont, la Yankee Nuclear Power Plant, auraient, par exemple, plus de 75 millions de curies en matériel entreposé, là. Il y a 6 de ces piscines-là à Fukushima, OK? Et puis le nombre de tonnes de matériel qui sont entreposés là n'est pas encore vraiment fait public. On estime qu'il y en a environ de 3 000 à 4 000 tonnes. Imaginez. Alors, vous avez la Nuclear Information and Resource Service, la NIRS, qui a fait les mathématiques. Et puis, on est en venu à la conclusion que au réacteur numéro 4 à Fukushima, qui est opéré depuis 35 ans, qui produit en fait plus de 30 tonnes de matériel irradié par année, et que chaque tonne est l'équivalent de 24 fois les quantités de césium 137 produits par la bombe d'Hiroshima, et bien que cette piscine au-dessus du réacteur numéro 4 pourrait contenir de l'ordre de 24 000 fois des quantités de césium-137 qui ont été produites par la bombe d'Hiroshima. Alors, vous avez des sans-dessins, des tatas sur Internet qui vous disent que la bombe d'Hiroshima, c'est rien là, on a tout nettoyé, des gens habitent là, tout est beau, la vie prolifère, il n'y a aucun problème, blablabla. Écoutez, là, ce que vous avez dans un des réacteurs, seulement un des réacteurs, équivaut à 24 000 fois la quantité de césium-137 qui a été produite par la bombe d'Hiroshima. Donc, si tous ces produits-là étaient irradiés, c'est-à-dire ces produits irradiés-là étaient relâchés dans l'atmosphère, imaginez ce qui pourrait arriver. Complètement débile, n'est-ce pas? Donc, ça vous donne un peu l'ordre de l'idée de la situation dans laquelle on est plongé actuellement. Des gens parlent de Tchernobyl comme si Tchernobyl n'avait pas tué personne. Vous avez un livre absolument fantastique à aller voir qui s'appelle Chernobyl, The Consequences of the Catastrophe for People and Environment, qui donne des évidences irréfutables d'une perte massive de vie. Le livre qui est solidement basé sur des données de la santé officielle, des sondages radiologiques et puis des rapports scientifiques. On parle de 5 000 en tout de ces rapports-là, a déclaré le journaliste Carl Grossman, conclut que, basé sur tous ces rapports-là, maintenant rendus disponibles, vous avez 985 000 personnes qui sont mortes, principalement du cancer, résultant justement de l'accident de Tchernobyl. Donc, ça s'est produit en 1986 et 2004. Alors, vous voyez que ça a des effets à long terme. Alors, les gens, les sans-dessins, les caves qui vous disent que la centrale à Fukushima, ça n'a pas encore tué personne. Écoutez bien, là, mes nonos, là. Je veux dire, ça va avoir des retombées à très long terme. On parle en ce moment là, de la seule solution là, de fermer toute cette histoire-là à Fukushima, c'est de tout simplement mettre une chape de béton, couvrir ça de sable puis de béton, puis d'espérer que là, il n'y arrive à rien. Sauf que là, on ne calcule pas que justement, toutes ces radioactivités-là vont s'échapper dans les nappes phréatiques, dans les fissures du terrain, ça va se propager dans l'océan qui est juste à côté. Et puis que même si on a couvert le cœur de Tchernobyl avec une grosse chape de béton, puis bien du sable, puis n'importe quoi, vous avez encore de la radioactivité qui s'échappe de là. Ça, c'est un fait, là, OK? Puis non seulement c'est un fait, on n'arrive jamais à faire des genres de tombes complètement scellées, complètement imperméables. On n'arrive jamais à faire ça, mais non seulement on n'arrive jamais à faire ça, vous avez la chape de béton qu'on a mis à Tchernobyl est designée pour durer 100 ans, alors qu'on voit des isotopes radioactifs qui vont se décomposer pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années. On a des trucs qui vont être là pendant 200 000 ans. Alors, vous avez besoin d'avoir un méchant bon béton pour essayer de garder ça tout sous contrôle à l'intérieur même là, de ce contenant-là qui est censé couvrir finalement ces désastres nucléaires comme à Tchernobyl puis maintenant à Fukushima. Donc, c'est pas mal ça pour le dossier là, du Japon, là. C'est vraiment pas une situation qui s'améliore. Vous avez toutes sortes de trucs qui s'échappent de là, dont des isotopes comme l'iode 131, vous avez le césium 137, le strontium 90, le cobalt 60. Cobalt 60, complètement débile, super toxique, ça peut causer vraiment des dommages terribles à une population. Plutonium 239, tout ça a des effets sur la santé humaine importants qui sont relâchés dans les accidents comme on vit à Fukushima en ce moment, qui sont, si vous voulez, ventilés dans l'air, dans l'eau, un peu partout, et qui se retrouvent dans la nature. Vous avez le cobalt 60 qui a une demi-vie de 5,2 ans, mais qui, lui, s'accumule et migre à travers la vapeur des générateurs, des tubes de générateurs et puis des systèmes secondaires de refroidissement et qui se retrouvent justement en pression dans les systèmes des cœurs des réacteurs nucléaires et qui, quand font défaut, bien, se retrouvent tout simplement relâchés dans l'air. Alors, on se retrouve avec évidemment des émissions de massives de produits de radioactifs partout dans l'environnement et qui viennent de tous ces plans-là. Et puis, ce n'est que le début. On a retrouvé des traces de xénon, d'ailleurs, de krypton dans l'air, même de xénon jusqu'à Washington, imaginez. On dit que le xénon n'a pas une vie très large, donc une demi-vie de 3,9 minutes. Sauf que, encore là, comme je vous dis, c'est toute l'accumulation de ces trucs-là dans l'air qui font qu'en réalité, il y a une bioaccumulation et on devient de plus en plus contaminé par la radioactivité. Donc, non, il n'y a pas de dose sécuritaire. Donc voilà, donc vous allez trouver ça là. Il y a plusieurs informations à aller trouver. L'émission tire à sa fin. Vous avez ici, on parle du plutonium, comme quoi que le plutonium est très très dangereux. Vous avez, écoutez, là, on calcule, et ça vient du Atomic Energy Control Board au Canada. On dit qu'on calcule que 0,1 microgramme de plutonium peut causer une overdose dans une personne. On dit que l'exposition maximale sécuritaire est placée à 0,56 microgrammes par personne. Et puis, 0,25 microgrammes pour une exposition au niveau des poumons. Des expériences ont montré que des chiens Beagle avec 25 millionièmes de grammes de plutonium insoluble étaient suffisants pour causer un cancer du poumon dans un adulte, par simplement virtuellement respirant une de ces particules-là. Alors, vous voyez là, selon la Canadian Coalition for Nuclear Responsibility, que 0,1 gramme pourrait créer une overdose chez 1 million de personnes. Imaginez, 1 gramme de plutonium relâché dans l'environnement pourrait contaminer 10 millions de personnes et 100 grammes pourrait en contaminer 1 milliard, alors que 100 grammes pourrait en contaminer 6 milliards. Alors, on a combien de grammes ou combien de kilogrammes de plutonium dans ces centres à Fukushima? Eh bien, chers amis, on en a plusieurs kilos. OK? Donc, vous avez 350 tonnes d'uranium et l'équivalent d'environ 1 kilogramme de plutonium. Et vous avez environ 3 000 à 4 000 tonnes d'uranium entreposées sur la station nucléaire de Fukushima. Pas très rassurant, vous allez me dire, comme information, pas très rassurant, mais il faut faire face à la réalité. Okay, vous avez 40 ans d'accumulation de déchets nucléaires qui sont accumulés et qui sont placés au-dessus de ces réacteurs-là, dans ces fameuses centrales, dans chacun de ces bâtiments. Donc, vous en avez 6 sur la centrale nucléaire de Fukushima. Donc ça, c'est un dossier vraiment particulier là. Je veux dire, c'est pas mal là ce qu'il y a de plus important à savoir là-dessus. Vous avez trouvé les plans justement du générateur de General Electric là, parmi tous les liens. Vous avez trouvé des radiations gamma qu'on a détectées sur la côte est et ouest américaine. Vous avez beaucoup de jeux des officiels. Vous allez trouver plusieurs articles là, autant aux États-Unis qu'en Amérique, où apparemment les détecteurs de radioactivité ne fonctionnent pas, comme par hasard, ils fonctionnent pas. Hein, comme ça, on peut pas vous dire là, comment c'est radioactif ou pas. Donc, ça aussi, là, il y a beaucoup de manipulations qui ont lieu en ce moment par rapport à ça. Beaucoup de manipulations. Les officiels, autant au Japon qu'aux États-Unis, ne vous racontent pas la vérité. On ne parle pas de ce qui se passe réellement. On veut pas inquiéter les gens. Au réacteur numéro 4, ici, on dit qu'on a environ 1097 tonnes de ces matériels utilisés, radioactifs et irradiés. Alors, imaginez 1097 tonnes. C'est incroyable. 350, hein, je vous disais un peu plus tôt que 350 350 tonnes d'uranium est équivalent à 1 kg de plutonium. Alors imaginez, seulement 600 grammes est nécessaire pour contaminer 6 millions de personnes sur la planète. Ça vous donne un peu une idée là, de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, croyez les gens qui disent qu'il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun danger. Continuez de respirer. Ouvrez-vous les narines là, à pleine capacité, puis respirez un bon bol de radioactivité. C'est bon pour votre santé. Hein? Donc voilà. Donc c'est pas mal ça là, pour le dossier là, du nucléaire au Japon, tout avec la situation catastrophique qui se déroule, complètement perdu le contrôle de ça, on a perdu le contrôle de ça complètement. Allez voir toutes les données qui montrent justement qu'on a perdu le contrôle de ça, qui montrent à quel point la situation est grave. 27 signes ici qu'on vit une crise nucléaire au Japon qui est bien pire que celle que les médias de masse et puis le gouvernement japonais voudraient bien vous faire croire. Plusieurs signes de ça, je vous dis là, il y a plusieurs. Vous avez l'armée tchèque qui a décidé d'envoyer des avions au Japon pour évacuer son personnel, son orchestre philharmonique. Vous avez Air China qui a cancellé, qui a annulé tous ses vols à Tokyo. L'ambassade chinoise qui a annoncé qu'elle va évacuer tous ses citoyens chinois de la préfecture de Miyagi, Fukushima, puis d'Ibaraki et aussi de Iwate. Vous avez la Russie qui se prépare à faire l'évacuation de masse de ses civils et puis de ses unités militaires des îles Kuriles. Donc, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs pays. Le président de France qui a décidé aussi de faire en sorte de faciliter le rapatriement de ses citoyens. On a plusieurs rapports de radiation extrêmement élevés à la centrale nucléaire du Japon et aussi à Onagawa. Alors, c'est une autre centrale ici qui est située pas très loin de là, qui, elle, a enregistré 700 fois les taux normaux de radioactivité. Donc, vous voyez, là, c'est ça la situation. Vous avez Obama, lui, par contre, a décidé de rassurer tout le monde par rapport à la radiation, disant que tous les Américains, hein, ne courent aucun danger par rapport à ça, alors que lui et toute sa famille est en Amérique du Sud en ce moment. N'est-ce pas incroyable? Lui, ça, c'est tout un hypocrite, ce sale-là, hein? Moi, vous dire bien franchement, là, c'est quelque chose. Alors, non seulement ça, ben, on va terminer peut-être l'émission avec ça. Vous avez justement Obama, la France et d'autres pays qui ont décidé de larguer, de lancer une guerre humanitaire, une autre guerre humanitaire contre la Libye. Alors, voilà, donc c'est parti en Libye, on a lancé une nouvelle guerre humanitaire, my ass, excusez-moi pour le langage, mais réellement complètement débile. Le Congrès n'a pas voté pour cette guerre-là, les États-Unis n'ont jamais été attaqués. Vous avez un autre au Parlement européen, le Farage, je ne sais pas ce que son nom exactement, là, qui a déclaré justement que le Conseil européen n'a aucun pouvoir de commencer, de lancer une guerre comme ça, contre un pays qui n'a absolument causé aucun dommage, n'a même pas attaqué ni une menace pour l'Union européenne. Même affaire, c'est le Congrès américain qui seul doit et a le pouvoir de déclarer une guerre. On passe outre ces affaires-là, on passe outre même les lois internationales, on lance une guerre pour supposément libérer la Libye. Une aberration totale, complètement débile. Et puis là, on est en train de mettre une zone d'exclusion aérienne, une zone no-fly zone. Et puis, écoutez, on va commencer un autre, simplement une agression d'un pays comme ça, complètement inutile. On se cache encore là sous la vigne de la vigne humanitaire, alors qu'on est en train de tout simplement mener une nouvelle guerre. On vient de déclarer une nouvelle guerre à la Libye pour supposément sauver les gens, bien sûr, alors qu'on a des nouvelles, c'est complètement confirmé par même Press TV puis d'autres, qu'on a des mercenaires privés qui ont été engagés. Israël qui s'est mêlé de ça, envoie des mercenaires privés pour mater les protestants en Libye. Et puis là, les États-Unis qui se mêlent de ça vont commencer à mater Kadhafi dans la gueule. On le traite de toutes sortes d'affaires. Alors, le plan néocon sioniste qui se met en branle, chers amis, on va y revenir plus en détail la semaine prochaine. J'ai pas eu trop le temps cette semaine. La grande armée humanitaire qui se met en marche est complètement débile. L'agression de la Libye, les Occidentaux, hein, qui n'ont jamais milité pour la liberté des peuples tiers, en réalité, on est là pour défendre nos intérêts. On veut mettre la main sur les ressources naturelles, le pétrole, une agression impérialiste de la Libye, évidemment, qui est fomentée autant par les néocons que les sionistes à Israël. Il ne faut pas se cacher pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est un remodelage du Moyen-Orient qui utilisent les révolutions du peuple qui ont cours actuellement, alors qu'ils ont été peut-être, je dirais, embellis, grossis par la propagande des médias citoyens comme Twitter, des affaires comme ça, pour essayer de fomenter des révolutions beaucoup plus grandes qu'elles ne l'auraient été, bien que je continue de dire qu'il y a une part de révolution, d'écœurement total de ces peuples-là, des tyrannies sous lesquelles ils vivent. Évidemment qu'on essaie de je dirais, de propulser ça encore plus à l'avant pour que ça serve les intérêts néocon-sionistes dans la région. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est surtout, en tout cas en Libye, là, c'était vraiment une histoire fabriquée de A à Z. C'est complètement incroyable. Vous avez les leaders des rebelles en Libye qui sont évidemment des escrocs total. Ce sont carrément lui, d'ailleurs, le responsable des rebelles principales en Libye, qui était responsable de l'oppression du peuple en Libye. En plus de ça, c'est des gens qui ont invité John McCain, Joe Lieberman à donner des discours dans les médias libyens, complètement incroyables. Ces derniers qui appuient les rebelles et considèrent Kadhafi comme évidemment un fou qui massacre son peuple, comme d'habitude. Tout le temps la même propagande, celle qu'on utilisait contre Saddam Hussein et toutes les autres. Donc, encore là, comme je vous dis, là, la révolution des peuples qui est transformée en d'autres choses, là, c'est évident, là, qui va servir les intérêts de l'Empire. Donc, Kadhafi, qui est quand même pas un personnage sympathique, mais qui est loin d'être le personnage qu'on dépeint dans les médias, encore là, on essaie de tout simplement là, se donner une justification d'entrer dans le pays, puis de tout simplement mettre pied en Libye, puis de contrôler ces révolutions ou ces soulèvements qui pourraient vraiment amener un véritable changement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Alors, voilà quoi. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de propagande, de demi-vérité dans tous les médias, même dans les médias alternatifs. Il faut faire attention d'être bien informé, puis de propager l'information véritable. Il faut tout le temps vérifier ses sources, ça, c'est certain. Donc, il ne faut pas non plus pousser tout ce qu'on répète parce qu'à ce moment-là, évidemment qu'on nourrit puis on sert la justification justement de l'OTAN, des États-Unis, des pouvoirs en Angleterre et puis en Israël de rentrer dans ces pays-là, de prendre contrôle, de mettre en place des marionnettes dictatoriales et puis après ça, de mater la population. Donc, il faut faire attention de ne pas collaborer de façon inutile à cette propagande belliciste. Alors, faites attention, chers auditeurs, on va y revenir plus en détail la semaine prochaine, mais c'est évident que les néocons sont en train de mettre le pied au Liban et puis sont en train de, à travers ça, d'essayer de provoquer l'Iran à travers la Libye et puis aussi le Bahreïn. Alors, on va y revenir encore plus la semaine prochaine, comme je dis en détail là-dessus. On n'a pas assez de temps cette semaine. Donc, voilà, on se quitte là-dessus, chers auditeurs. C'était François Machinat pour L'Autre Monde. Salut, bien bas, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao!